Ce soir, c'est le premier épisode freestyle. Alors, on a un programme très chargé, des invités, des surprises, plein de rubriques. On ne va donc pas perdre de temps. Vous êtes sur Podcast Science. C'est l'épisode 188. Nous sommes le mardi 7 octobre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, donc au sommaire de cette émission ce soir, nous avons l'interview de Sébastien Carassou, la réponse au quiz du mois, la première réponse à une question « Je me demandais » par Léo de Dirty Biology. Voilà, comme d'habitude, j'ai délégué quoi. J'ai délégué le fait que quelqu'un trouve une réponse à ma place, donc c'est même pas moi qui ai demandé à Léo quoi. La rubrique fail de Robin. J'aime bien comme tu dis comme d'habitude, alors que c'est une première en fait pour les réponses de je me demandais. Oui, non, mais je veux dire comme d'habitude que c'est pas la première fois que je délègue quelque chose, quoi. Je vois. moi je vais vous faire un mini retour sur la semaine de ouf au CERN qui a eu lieu il y a 10 jours, hein, où j'ai eu la chance de serrer entre autres la main d'Hubert Reeves. La classe. Et on va faire un retour sur les émissions précédentes. Il y aura des messages divers et variés. Une quote, comme toujours. Le pitch de Johan. Et des plugs, s'ils sont pas censurés. Alors, autour de notre table virtuelle d'abord, nous avons un Robin depuis Paris. Salut Robin. Salut. Une Irène depuis les États-Unis d'Amérique. Salut Irène. Salut. Je suis un peu plus fou dans ton cas, quoi. Je dis Paris pour Robin et puis les États-Unis d'Amérique pour Irène. On a ouais. Alan depuis l'Europe. Bonjour tout le monde. Enfin non, techniquement, c'est pas l'Europe. Ah oui, on a Alan depuis une enclave au milieu du continent européen. C'est ça. On a Julie depuis la ville d'Estrosi. Salut. Ah, super. C'est une belle référence, salut. Et autour de notre table physique à Paris, dans le 15e arrondissement, nous avons Sébastien, notre invité, et puis moi-même, Nico. Salut Sébastien. Bonsoir. Et on a aussi Johan. Et j'ai pas dit Johan, mais si, je l'ai dit Johan, non? Ah non, ben on a docteur Johan, docteur Mazoyer. Bonjour docteur. Bonjour. Félicitations docteur. Félicitations, ouais docteur. Quoi neuf docteur? Et quand même à préciser qu'il est également en Europe. Et il est également dans le monde. Sur la Terre, plutôt. C'était très utile comme tour de table. Voilà. Non, il y a du monde ce soir, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Et puis surtout, une fois n'est pas coutume, nous avons notre invité de manière physique. Alors, physique voulant dire, il est avec au moins un de nous. Oui, je squatte. Parce que finalement, on n'est que deux, quoi. Physiquement au même endroit. Magnifique. Ben, Sébastien, on est enchanté de t'accueillir. Bienvenue à bord. Eh ben, merci, c'est moi qui suis honoré. Bon, c'est moi le coupable hein, dans cette histoire. C'est moi qui ai proposé de t'inviter parce que j'aime bien ton histoire. Et je voudrais la partager avec nos auditeurs. On a souvent tendance à penser que Paris est toujours au centre de tout en France et que le système scolaire est très élitiste. Toi, Sébastien, tu as grandi à La Réunion, donc loin de Paris. Tes résultats scolaires ont toujours été à la limite de la moyenne. Et ça ne t'a pourtant pas empêché de suivre les traces de Carl Sagan et de Neil deGrasse Tyson. Master d'astrophysique en poche, à 22 ans, tu démarres une thèse à l'Institut d'astrophysique de Paris. Est-ce qu'on peut dire que tu vis ton rêve ? Eh ben, je sors à peine de mon deuxième jour de travail et c'est vraiment une impression bizarre. Alors tu t'installes à ton bureau, tu commences à dépecer des dizaines d'articles scientifiques pour faire un état des lieux des connaissances de l'humanité sur l'histoire des galaxies, comme si de rien n'était, alors que en ce moment tu l'as attendu pendant plus de 10 ans. Donc ça fait quelque chose, hein, un petit achievement unlocked qui s'active au plus profond de toi, tout discret. C'est un moment ordinairement extraordinaire. Tu peux nous le refaire, là ? Ouais, je me sens un peu obligé de préciser un truc. Donc, Sébastien a écrit ses réponses pour être sûr de ne pas dire certains mots interdits qu'on lui a interdits. Donc, je pense qu'on va peut-être pouvoir dire à la chatroom les mots interdits pour qu'il les repère, non ? Bon, en tout cas, Achievement Unlocked, t'en faisais pas partie. Ça me plaît beaucoup. Tu nous le refais un peu ? Achievement Unlocked. Je le dis de manière plus sexy ou ça va ? Non, c'est plus sexy que ça, c'est pas possible. Elle porte sur quoi ta thèse ? Alors ma thèse, donc pour vous expliquer un petit peu ça proprement, il faut que je vous fasse un petit topo sur l'histoire de l'univers. Donc en deux mots, facile. Et donc, il était une fois, il y a 13,8 milliards d'années, boum. Donc l'univers, il était super chaud et dense, et soudain il connaît une violente phase d'expansion. Une explosion du tout, partout à la fois, au même moment. Et pendant cette phase d'expansion, l'univers il se refroidit, ce qui lui a permis l'apparition des deux premiers éléments, l'hydrogène et l'hélium. Et notre univers était alors remarquablement homogène. Où qu'on les regardait, et dans n'importe quelle direction, on aurait vu partout la même chose. Mais dans cette purée de poids primordial, de minuscules surdensités de matière se forment et se mettent à grandir. Et plus ces blocs de matière sont massifs, plus ils attirent la matière autour d'eux. Et au fil du temps, la matière s'organise en vastes filaments de gaz, reliés à une toile d'araignée cosmique aux nœuds desquels se forment les galaxies. galaxies et les amas de galaxies. Et donc, selon leur masse et leur environnement, les galaxies elles acquièrent progressivement une grande variété de formes qui vont des ballons de rugby aux superbes spirales, en passant par des formes un peu plus space, voire carrément arbres. Et donc, dans ce contexte, mon but, ça va être de produire de fausses images de télescopes, de construire des images de galaxies à partir de modèles, de codes informatiques qui fournissent des scénarios idéalisés d'évolution de galaxies. Et en comparant les fausses belles images aux vraies belles images des télescopes, qui répertorient la distribution des galaxies dans l'univers proche, on espère mieux comprendre par quel processus les galaxies ont acquis l'énorme diversité des formes et des propriétés qu'elles ont aujourd'hui, pendant les 10 derniers milliards d'années de l'histoire de l'univers. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, vu que c'est mon deuxième jour, donc je manque forcément un peu de recul, mais ça devrait m'occuper pendant les 3 prochaines années. Et d'ici là, on pourra en reparler. Alors, j'avoue que ça envoie du rêve. Hein. Je ne pensais pas que tu étais à 14 milliards d'années la jeunesse de ton projet. Mais c'est formidable. Il faut toujours se lever à 6 heures le matin. Ouais, c'est ça. Non, mais étudier la formation des galaxies, rien que ça. Tout à fait. Bon, je me suis permis de dire dans la petite intro que tu n'étais pas très brillant à l'école, parce que c'est toi-même qui le dis. Si ce n'est pas l'excellence, c'est quoi alors le secret de ta réussite? Bon, d'accord. Donc, sur la notion de réussite d'abord. Si je considère que j'ai réussi, entre guillemets, c'est parce que j'ai pu faire exactement ce dont je rêvais depuis toujours et pas autre chose. Voilà. Donc, ça ne va pas me rendre plus riche. J'aurai peut-être un autre discours d'ici 3 ans quand je vais galérer pour trouver du boulot. Mais en attendant, ça fait de moi le deuxième mec le plus heureux du monde après l'inventeur du Bixou Magazine. Donc ma moyenne post-bac, elle a toujours oscillé entre 13 et 14, hein. La prépa ça compte pas, ce qui est pas vraiment catastrophique, mais loin d'être excellent en même temps, donc au final j'ai toujours été juste assez bon pour que le système me laisse continuer. Mais dès que je m'en suis rendu compte, j'ai arrêté de vouloir devenir à tout prix le premier de la classe, parce que je pense que c'est une quête un peu illusoire, c'est très français comme concept, et donc ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on passe beaucoup trop de temps à se juger par rapport aux autres et qu'on finit par oublier de se juger soi-même. Donc, faut pas se leurrer non plus. Faire une carrière dans les sciences, c'est dur. C'est un travail de passion et on compte pas les nuits sacrifiées. Mais s'il y a une chose que j'ai retenue pendant ces 5 années post-bac, c'est que ça vaut absolument, définitivement le coup. Ça vaut chaque nuit perdue, chaque période de stress où ton avenir se joue sur la réussite ou non à un examen, chaque moment d'incertitude. Et donc j'ai eu beaucoup de chance aussi, hein, d'avoir une famille et des amis qui m'ont toujours soutenu, ma mère qui me disait toujours d'aller au bout de mes rêves, de suivre ma bonne étoile, coucou maman. Et ça peut sembler un peu neuneux, mais psychologiquement ça a joué pas mal. Donc ça a montré au final que les rêves d'un enfant paraissent moins naïfs quand ils se réalisent. Et donc j'ai eu de la chance aussi d'avoir rencontré au bon moment quelques inconnus extraordinaires qui ont changé ma vie, et ils se reconnaîtront. C'est quand même dingue de penser que toutes ces suites de hasards et de coïncidences qui te mènent à ce qui fait de toi, toi. Mais je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à des barils entiers d'huile de coude, une bonne dose de détermination, plusieurs saisons de code quantum et une certaine addiction au café. Bon, moi si je t'ai repéré, c'est pas parce que t'étudies, parce que même si t'en parles très bien, j'aurais eu du mal à vendre tout ça. Je crois pouvoir affirmer sans trop me planter que l'astrophysique n'est pas ta seule passion. T'es tout aussi dévoré par la vulgarisation scientifique et t'as lancé il y a quelques mois le collectif Conscience, qu'on trouve à l'adresse collectifconscience.fr. Tu peux nous en toucher un mot ? Mais oui, bien sûr. Donc en fait, bon, j'ai surtout lancé l'idée, hein, et j'anime la communauté. Mais c'est surtout grâce à une dizaine d'amis incroyables que ce projet a pu voir le jour. En particulier Valentine Delattre, qui nous écoute, du blog Science de Comptoir. Jérémy Bezanger, notre génial développeur web, ou encore Nicolas Massé, notre community manager Google+. Donc désolé à ceux que je cite pas, hein, Maxime, Dimitri, Xavier, Sophie, Alexis, Borguillaume, je m'auto-flagellerai plus tard, c'est promis. Tu les as cités du coup? Mais pas du tout. Donc en fait l'idée c'est que face au vide sidéral qu'on a dans les médias, grand public traditionnel, on est tenté de se tourner vers le web pour se cultiver en science. Et le grand avantage du web c'est son côté démocratique. Le revers de la médaille c'est qu'on y trouve de tout et de n'importe quoi. Et c'est facile de se perdre dans le flot de pseudo-sciences et de charlatanisme. Donc ces dernières années, un grand nombre d'initiatives personnelles et communautaires qui sont apparues dans le but de mieux diffuser les connaissances et l'actualité scientifique. Mais malheureusement, ces initiatives, elles n'ont pas toujours l'impact qu'elles méritent. Donc le but du collectif Conscience, c'est ça. Utiliser tous les outils du web pour réunir tous les acteurs de la communication scientifique et faire rayonner la culture scientifique à travers la francophonie. Et donc pourquoi Conscience, j'entends au fond, si, toi là-bas. C'est parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, bien sûr. Et donc en pratique, c'est quoi ce machin ? Donc Conscience, c'est d'abord un site, collectifconscience.fr, un espace de partage de ressources, d'expériences et de compétences autour de la transmission des sciences. Donc notre ambition, c'est de rassembler au même endroit toutes les ressources scientifiques disponibles en français sur le web, que ce soit des vidéos, des blogs, des podcasts ou des événements. Et donc on propose aussi, bénévolement, hein, plein de services pour vous aider à développer et à diffuser vos projets de communication scientifique. Donc on bosse sur le site depuis quelques mois maintenant, c'est pas encore vraiment fini, et ça devrait contenir dans un futur proche un annuaire du web scientifique, un moteur de recherche puisant exclusivement dans la quasi-totalité de la blogosphère scientifique francophone, et un recensement multimédia des initiatives de vulgarisation. Et donc quand on aura achevé tout ça, donc les plus grands prévisionnistes du monde annoncent la finition du site en fin d'année ou en début d'année prochaine, on pourrait vraiment dire, là, qu'on aurait géré du pâté, si je peux me permettre. Donc Conscience, c'est aussi une communauté qui est super dynamique. Donc si vous avez une idée géniale et que vous cherchez des ressources et des personnes motivées pour vous aider à les réaliser, le site est un incubateur de projets. Des rencontres entre les membres sont régulièrement organisées dans un café parisien, l'Anticafé pour pas le citer, pour favoriser les échanges et planifier notre conquête du monde. Et d'ailleurs, c'est ouvert à tous, hein, vous êtes les bienvenus, en plus on a des cookies, et donc pour être tenu au jus, il suffit juste de vous inscrire à notre newsletter. Et donc pour vous prouver que ça marche dans la vraie vie, Conscience, plusieurs projets ont déjà pu décoller grâce à la communauté. Le premier, c'est Céphalus, hein, le génial magazine indépendant de vulgarisation lancé par Valentine, que vous devriez tous lire si ce n'est pas déjà fait. Le premier numéro sur le thème de l'eau, c'est une vraie merveille. Pour ma part, j'ai lancé avec 8 membres du collectif En Direct du Labo. C'est un projet de compte Twitter qui met chaque semaine un chercheur à la lumière des projecteurs pour nous parler de son domaine de recherche, de sa méthode de travail, de son quotidien dans le monde de la recherche. Et le but, c'est de sortir des clichés du scientifique en tant que savant fou, des cartoons de Max Fleischer, les stéréotypes qui est passé dans la pop culture dans les années 40 et dont on n'est pas encore vraiment sorti. On a un Tumblr, remarquablement animé par Mathilde Vos, qui met en ligne les storyfiles et les biographies des scientifiques intervenants. Et on est en constante recherche de chercheurs, d'ailleurs. Donc, chercheurs, chercheuses, si tu m'écoutes et que tu veux devenir célèbre, envoie-moi un mail, mail que tu trouveras sur le Tumblr du projet, en direct du labo.tumblr.com, et tu en seras à jamais remercié. Donc au niveau des projets en cours, qui n'attendent que vous pour être réalisés, il y en a une grande variété, ça va de l'organisation d'une conférence TED sur l'open science, au montage d'une troupe de marionnettistes lyonnais pour expliquer l'histoire de l'astrophysique aux enfants, en passant par des chaînes YouTube, des romans ou encore des spectacles. Donc au niveau du public, hein, c'est vraiment destiné à tous. On a cherché à toucher le public le plus large possible. Il conviendra aussi bien aux curieux qui cherchent à se repérer dans le fouillis du web scientifique qu'aux acteurs de la communication scientifique qui souhaitent développer ou diffuser un projet. Donc on est des chercheurs, des journalistes, des étudiants, des blogueurs, des artistes ou des curieux. On est tous réunis par la passion de la transmission des sciences. Et au niveau géographique, on est un peu partout dans le monde, hein, on l'a conquis quasiment. Aux quatre coins de la francophonie, on a des gens qui nous ont rejoints depuis le Canada, la Suisse, la Belgique, l'Afrique, et même des coins reculés de la Réunion. C'est fou, hein. Et donc, le but ultime, du fait qu'il y a quelques temps, dans une conférence que je regardais, l'économiste Esther Duflo, qui établissait que les principales difficultés rencontrées dans le contexte de la réduction de la pauvreté extrême, elles pouvaient se résumer en trois mots, qu'elle appelle les 3 I. Ignorance, idéologie, et inertie. Mais quand on parle de redonner à la science la place qu'elle mérite dans la culture, on remarque que les mêmes types d'obstacles se présentent. Et Conscience, c'est un peu notre moyen de nous défendre contre ces 3 I, en luttant contre le déclin et le mauvais traitement de l'information scientifique dans les médias, et en favorisant les initiatives indépendantes de médiation des sciences. Donc si on peut attirer l'attention des médias sur ce problème grâce à cette initiative, je pense qu'on aura gagné la partie. Voilà. Et donc ce qu'on cherche au final, c'est rien de plus qu'une prise de conscience. Voilà. Et d'ici là, y a encore du chemin à faire, donc je peux que vous inviter à rejoindre notre communauté pour faire avancer les choses. Donc pour l'instant, petit bémol, les inscriptions sont fermées sur le site pour le moment, il est en travaux, mais il devrait revenir à 100% en novembre-décembre, selon les prévisions des experts. Donc n'hésitez pas à vous abonner en attendant à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos activités. Donc on a pas mal de trucs sur le feu et on attend que vous. Eh ben dis donc, t'as repris ton souffle là pendant la phrase ? Pas du tout. Là, c'était un seul souffle. Il est tout rouge là. Qui sont tes modèles ? Est-ce que tu as des idoles ? Je pense aussi bien à la vulgarisation scientifique qu'aux sciences à proprement parler. Il y a quelques temps, je me suis donné pour mission de recenser, presque exhaustivement, toutes les personnes qui m'ont inspiré et qui ont laissé une trace indélébile dans ma vie. Et il y en a, parce que la liste, elle dépassait les 70 personnes. Du coup, ça va être un peu dur de leur faire honneur ici. Mais si je veux faire un tri et choisir 10 personnes, pour un trait de caractère chacun, je dirais... l'humanisme lyrique de Carl Sagan, l'impertinence géniale de Richard Feynman, l'énergie trépidante d'André Braik, la sagesse éclairée d'Albert Jacquard, le talent de conteur de David Christian, l'humour décapant de Bill Bryson, la joie d'enseigner des frères Hank et John Green, l'incroyable pédagogie de Derek Muller du site de Veritasium, et l'interdisciplinarité de Douglas Hofstadter, et l'invraisemblable modestie de Valentine Delattre. Donc j'en oublie des tonnes, hein, bien sûr, mais personne n'aime les podcasts qui durent plus de 4h30. Et donc ce que j'admire c'est chez tous ces gens, c'est cette capacité qu'ils ont à non seulement nous faire réfléchir sur notre place dans l'univers, sur la nature de la réalité et notre manière d'y accéder, mais aussi à toucher la corde sensible de l'émotion, qui est la vraie manière dont on appréhende le monde au final. Et trop de gens l'oublient, et je pense que c'est essentiel si on veut vraiment faire passer les sciences à un public large. Et l'humour aussi, parce que surtout, hein, faites-nous rire, parce qu'on peut parfaitement parler de science sans avoir la bouche en cul de poule et un balai de la taille de la Belgique entre les jambes. Je vois. J'avais quelques questions bonus pour toi aussi. La première, bon, tu as un petit peu répondu tout à l'heure en parlant de trous béants, mais je te pose la question quand même. Qu'est-ce que tu penses de la place de la science dans les médias et le grand public ? Ou alors, pour ça, il y a une vidéo géniale que je regardais de Maria Popova du site Brain Picking, qui traînait sur le net un moment et qui parle de la sagesse à l'ère de l'information. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'à l'heure où l'information elle est omniprésente dans nos vies, on fait face paradoxalement à un déclin de la sagesse. Alors on a tendance à croire, à tort, que l'accès à toujours plus d'informations produit plus de connaissances, ce qui amène inévitablement à plus de sagesse. Et en fait c'est l'inverse qui se passe, parce que le fait d'être bombardé sans cesse d'informations sans contexte va modeler notre vision du monde au lieu de l'enrichir. Et donc aujourd'hui de la sagesse on en a plus que jamais besoin, ne serait-ce que pour comprendre les problèmes et les enjeux du siècle. Et comme on vit dans une société basée essentiellement sur les sciences et les technologies, se cultiver en sciences et en technologie devient alors un acte citoyen. Comprendre le monde qui nous entoure est devenu un préalable nécessaire pour pouvoir agir dessus en conséquence. Et quand on voit la place insignifiante que la science occupe dans le paysage médiatique francophone actuel, en particulier à la télévision, on se dit qu'un changement dans notre manière de la transmettre à grande échelle est devenu nécessaire. Et donc je pense qu'il y a plusieurs problèmes qui demandent à être adressés dans le monde de la communication scientifique française, francophone. Donc d'un côté, on est assez en retard sur nos copains anglo-saxons, et ce, dans à peu près tous les médias à fort taux d'audience. Donc, je renvoie par exemple au fameux article de Sylvain Desvilles dans Le Monde, sur Twitter, l'exception française, qui a fait pas mal de bruit au début d'année. Donc il nous manque un Neil deGrasse Tyson ou un Bill Nye à la française. Des personnages scientifiques à fort impact culturel. Donc ici on a Fred et Jamie, ce qui est très bien, mais c'est pas suffisant, surtout depuis que C'est pas sorcier a pris du plomb dans l'aile. Un autre point, c'est que les médias tombent facilement dans le piège du sensationnalisme. Ils ont l'impression en tout cas que dramatiser le processus scientifique et annoncer des révolutions à tout bout de champ va rendre la science plus excitante, plus glamour, mais c'est ce genre d'état d'esprit qui nous donne des psychoses sur les trous noirs du LHC ou le buzz autour des neutrinos supraluminiques. Et donc le dernier problème, à mon sens, c'est le manque de communication entre les différents acteurs de la communication scientifique, ce qui est plutôt paradoxal. Une discussion qui revient souvent à ce sujet, par exemple, c'est le mépris réciproque entre les journalistes et les chercheurs. Bon, faut pas généraliser, hein, mais ce genre de tension, ça nuit au message qu'on porte au grand public. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces problèmes n'est insoluble, et qu'un véritable mouvement est en train de se mettre en place petit à petit pour changer les choses, en bien. Et tout ce que j'espère, c'est que Conscience aura un rôle à y jouer. T'as bien travaillé. Je m'attendais pas à des réponses aussi complètes. Tu lui poses une question imprévue pour voir aussi. quels étaient les termes que tu devais éviter déjà ? Je vois pas de quoi tu parles. c'est pas mal. Tu t'en sors très bien. Enfin, il a quand même dit incubateur, communauté. Enfin, bref, c'est moyennement rempli, quoi. On a vérifié dans la chatroom, incubateur, il avait le droit, en fait. Je vais juste prendre un verre d'eau plate formé de plastique. Je sais pas. Ça non, il a pas le droit, mais bon. Personne ne gueule, donc. Ok, moi, j'ai pas d'autres questions, votre honneur. Tu interviens, bien sûr, quand tu veux, pendant le reste de l'émission. Tu nous rappelles peut-être juste où on peut te retrouver sur l'Internet mondial ? Oui, un peu partout, en fait, parce que j'ai une fâcheuse tendance à m'éparpiller, mais principalement sur les réseaux sociaux, où je tweet compulsivement mes explorations du web sous le pseudonyme de Flash Cordon, par exemple, et sur mon blog aussi, le Sense of Wonder, où je publie régulièrement, et avec un humour discutable, quelques réflexions sur la vie, l'univers et le tout, dans le but de titiller votre sens de l'émerveillement, denrée assez rare et précieuse à l'heure où le cynisme est partout. Peut-être l'URL du Sense of Wonder. Oui, c'est donc lesenseofwonder.blogspot.fr. Donc le Sense of Wonder, tout collé, tout en un mot. Tout à fait. Et donc sinon, collectiveconscience.fr et en direct du labo pour Twitter et le Tumblr aussi. Je plus sois. Ok, Flash Cordon, t'as dit. Flash Cordon avec un C. J'adore ce Twitter. Magnifique. Eh ben, je rends l'antenne à notre prêtresse qui va enchaîner avec Maestria. Ouais, on passe au quiz du mois. Yep. Vous êtes prêts ? On est grave prêts, on est impatients même. Alors, on va commencer par regarder ce que nous ont un peu répondu les auditeurs. On ouvre les réponses avec la participation de Gleb, qui a fait assez fort, faut le reconnaître, dans son Glebcast. Donc, on vous laisse écouter. Ouais, alors ça va aller très vite, il faut être très concentré. Hein. Voilà. Voilà. Je vous le remets. Vas-y. Voilà, bon, c'est bien. Hein. Je pense que tout le monde a compris ce donc que c'est la réponse de Gleb. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire d'autres, ouais, d'autres commentaires. Alan, tu nous expliques comment tu as décrypté la réponse? C'était il y a un moment... Si tu t'en souviens. Non, mais d'abord, j'ai râlé parce qu'il a dit dans son podcast qu'il nous préparait une réponse et puis je n'ai pas entendu la réponse. En fait, il y a bien eu ce petit bruit, mais je ne me suis pas dit « tiens, ça, c'est la réponse ». Donc, j'ai râlé via Twitter. Il m'a dit « mais si, fais gaffe, j'ai répondu ». Du coup, je me suis dit « ok, je vais isoler ce petit bruit, ça doit vouloir dire quelque chose ». Je l'ai édité avec un logiciel d'audio, en l'occurrence Audacity. Et puis, j'ai regardé la transformée de Fourier, en fait, pour ce son. Et c'est là que j'ai eu une super surprise. En fait, ça voulait dire quelque chose, la réponse. Si on regarde la transformée de Fourier pour cette séquence, ça écrit intox. Il faudrait qu'on puisse le montrer d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on... Ouais, j'ai tweeté l'image. Bon, de toute façon, sans expliquer ce que c'est que la transformée de Fourier comme ça, ça veut pas grand-chose. Il y a juste marqué intox dans des couleurs un peu cheloues. Ouais, on peut juste dire quand même que c'est un truc du style, quand on écoute sa musique et qu'on a les ondes, c'est pas ça, mais ça revient à ça, quoi, quand on a les... C'est un peu plus finaux au sens où il me semble qu'il y a un artiste qui carrément avait mis son visage dans la transformée de Fourier et ça s'entendait pratiquement pas, c'est-à-dire que là, il l'a fait en mode bourrin, mais il y a moyen que ça s'entende pas du tout, donc c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Oui, mais c'est pour donner une idée. Mais en effet, oui, et puis de toute façon, vous pouvez aller voir mon excellent dossier sur la transformée de Fourier pour comprendre mieux ce que c'est. Et c'est l'occasion. Non, mais très sympa, ma foi. On a Maël qui nous a aussi répondu en audio. Salut, Podcast Science. Ici Mier Stuskorval. Je me suis penché sur le quiz du mois. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, info ou intox. Moi, je dis info. Prenons par exemple un fruit standard, la pomme. Et même une grosse pomme de 200 grammes. Elle contient à peu près 100 calories. Sachant qu'il faut pour un adulte 2000 kilocalories par jour au moins, il faut en manger au moins 20 000 de ces pommes, ce qui est bien plus que 5. Pour y parvenir, j'ai une technique infaillible. Je mange une pomme toutes les 3 secondes et il me reste 7 heures pour dormir. Et je suis en pleine forme. Et ne dit-on pas en anglais « 20,000 apples a day keeps the doctor away » Salut. Ça me paraît bien cette réponse. Ouais, excellent. Il s'est mélangé les pinceaux entre les kilocalories et les calories, en fait. Hein. Ah. Parce qu'une pomme, c'est 100 kilocalories, c'est pas 100 calories. Hein. Et un adulte, ça a besoin d'environ 2000 kilocalories, effectivement. Mais une pomme, c'est déjà 100 kilocalories. Hein. Je crois qu'il s'est un peu mélangé les pinceaux. Enfin, il me semble qu'il s'est bien mélangé les pinceaux. Hein. Ah, ben c'est possible. Il n'y a pas une histoire avec les calories alimentaires qui font des kilocalories physiques? Oui. Oui, c'est ça. En langage courant, on parle de calories, mais ce sont des kilocalories, effectivement. Mais au final, ça a peu d'importance. On peut dire qu'un adulte, il a besoin d'environ 2000 calories par jour, et une pomme, elle en fait 90 ou 100, en fait. Donc, son calcul, je pense qu'il s'est planté. Hein. C'est possible. La réponse n'est pas validée par Irène Maël. Non. Non, on reviendra peut-être avec l'explication. Non, si on mangeait 2000 pommes par jour, ça fait énorme. Hein. Franchement, sans parler du volume, je pense que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, bien vu. Mais c'était bien tenté. C'était bien tenté, ouais. Tout à fait. Ouais. Au passage, on a une précision d'LGJ qui précise que c'est Aphex Twin dans un morceau qui a un nom improbable qui a caché son visage dans une chanson. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Ah, d'accord. Voilà. Sinon, il y a une réponse d'Adrien, c'est ça? Alors qui dit « Salut à toute l'équipe de Podcast Science. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre émission que j'adore et que j'écoute chaque semaine. Bravo. Voici ma réponse pour le quiz du mois sur les 5 fruits et légumes par jour. Intox. La remarque est beaucoup trop floue pour être juste. 5 jacques, le fruit du pauvre en Asie du Sud-Est qui peut peser jusqu'à 40 kilos par jour. Vous êtes sûr? Après, si on regarde le site officiel de mangerbouger.fr, on comprend que l'expression 5 fruits et légumes par jour se réfère en fait à 5 portions de fruits et ou légumes par jour. Et une portion représente 80 à 100 grammes pour les enfants et 150 à 200 grammes pour les adultes, très loin des 40 kilos de la jacque. Sinon, pourquoi 5 portions de fruits et légumes par jour et pas 2, 3, voire 10? En fait, il n'y a pas de nombre magique. Tout dépend du reste de l'alimentation et de l'apport en fibres, vitamines, sucres simples et complexes. Il semble que manger 5 portions de fruits au sirop en conserve sera sans doute moins bon pour la santé qu'une seule portion de salade de fruits. Toutefois, malgré que cette recommandation soit simpliste et donc fausse, elle a l'avantage d'être très compréhensible et facile à mémoriser. Tous les enfants connaissent par cœur et savent qu'ils doivent manger plus de fruits et légumes. Ensuite, il faut l'appliquer. Alors j'ouvre une petite parenthèse, donc si vous écoutez Voyagecast, vous avez pu entendre Adrien dans l'épisode sur l'expatriation aux USA. Il est actuellement à New York pour un postdoc et il prépare un dossier pour Podcast Science. Donc il fera un dossier sur l'expression des gènes, donc ça n'a rien à voir avec le quiz, hein. Mais on a hâte d'entendre ça. Comme tous les gens bien, il prépare un dossier pour Podcast Science. Exactement. Alors, on a hâte de l'entendre. Moi aussi, j'ouvre une petite parenthèse. C'est une précision de Maël dans la chatroom qui nous a donné sa source, en fait, quant aux kilocalories des pommes. Sa source est Wikipédia. Alors, c'est l'occasion de faire une petite recommandation. Wikipédia est génial, c'est un outil absolument formidable, mais c'est vrai qu'il ne faut pas prendre tout ce qu'on y lit pour argent comptant. À chaque fois que quelque chose, enfin, qu'une affirmation est faite, en principe, il y a une source. En principe, c'est obligatoire, et donc c'est une des grosses qualités, justement, ouais. Exactement, ouais. C'est partie des standards de qualité de Wikipédia. Si vous voulez être sûr de ce que vous racontez, ben remontez jusqu'à la source, quoi. Il ne faut pas juste prendre l'article de Wikipédia, il faut aller voir les références et toujours aller les consulter. Parfois, elles ne sont pas consultables, ce qui est un petit peu chiant, mais c'est vrai que c'est un petit peu les limites de Wikipédia. Et sinon, si vous êtes sur le Wikipédia français, vous pouvez aussi consulter le vrai Wikipédia pour avoir des informations plus précises. C'est vrai, Wikipédia anglophone, ouais, qui est vachement plus fourni. Mais pour le coup, sur Wikipédia, la pomme est à 52 kilocalories. Et oui, je pense que c'est encore une fois cette confusion entre la calorie telle qu'on l'entend tous les jours dans les cours de diététique, etc., ou en vulgarisation, malheureusement, où on parle de calories, alors que vraiment, scientifiquement, c'est une kilocalorie, en fait. Donc en fait, c'est ça, la pomme, c'est pas 95 calories, c'est bien 95 kilocalories. Encore une fois, c'est la confusion entre les unités qui fait ça. Hein. Ouais. Si vous regardez d'autres sites, internet, il y en a plein d'autres, là, j'en vois, souvent, on voit les pommes, c'est bien en kilocalories qu'il faut parler. Bon, on enchaîne avec une réponse d'Yves. Enchaînons. Alors, salut. Voici un résumé de ce que j'ai lu sur le sujet. Le comité qui travaillait sur la construction de ce message de santé publique à destination du public proposait initialement 10 fruits et légumes par jour, avec dans l'idée une portion de 100 grammes pour chaque. Comme ça me semblait beaucoup, ben oui, quoi, manger 1 kg de végétaux par jour, c'est énorme, ou seulement un peu cher. Du coup, le message a été politiquement édulcoré à 5. Bref, je pense que les nutritionnistes n'ont pas tort. Manger plus de légumes, fruits, c'est mécaniquement manger moins de viande, charcuterie, gare aux problèmes cardiovasculaires ou digestifs, et moins de cochonneries diverses de l'industrie agroalimentaire assemblées à base de sucre et de graisse. Les pires pour l'adduction du consommateur étant constituées de 50% de graisse, 50% de sucre et d'une grosse pincée de sel. Je ne nommerai aucun produit, lisez les étiquettes. Voilà, maintenant je me fais une salade grecque maison et après au lit à 21h. Si tout va bien, je devrais tenir jusqu'à 75 ans comme ça. Bonne soirée. Ok, ça, une bonne réponse Yves. Tout à fait. On a aussi une réponse de Chotou. Bonjour, je voudrais participer au quiz du mois. Voilà ma réponse. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé, info ou intox. Intox, comme toutes les recommandations du plan national de nutrition et santé, même si celle-ci est probablement la moins contestable de toutes. J'ai rien contre les légumes, mais je vois pas en vertu de quoi les fruits seraient des aliments santé. Qu'est-ce qu'un fruit ? Un sac d'eau avec un peu de fibres, un peu de sucre, et certes des vitamines, mais pas des masses. C'est encore pire si le fruit n'est pas de saison, où le rapport calories-vitamines tend vers l'infini. Ceci dit, d'un point de vue gustatif, les fruits sont très intéressants et rafraîchissants. Ce sont probablement les aliments sucrés les moins nocifs de tous, mais ils devraient plutôt être considérés comme des aliments plaisir. La viande et les légumes sont bien plus nutritifs, car plus riches en vitamines et minéraux. Je tire mes informations des travaux de Matt Lalonde d'Harvard, avec une vidéo YouTube qu'on mettra dans les notes de l'émission, qui suggère que la viande a le plus haut taux de nutriments. J'ai bien dit suggère, pas montre, car ce que pour le moment n'a pas été soumis à une revue de la comité de lecture, et je pense que Matt Lalonde sera un jour publié. En attendant les conclusions de cette étude peer-reviewed de l'IRSEM, donc peer-reviewed, reviewé par ses pairs, encore un lien vers l'étude de l'INSERM, confirme partiellement ma réponse. La viande, les fruits et les légumes sont classés dans le groupe le plus riche en nutriments. La viande ne devrait donc pas être disqualifiée des recommandations gouvernementales. Surtout que d'après ce reportage de la BBC, un autre lien YouTube, l'humanité a évolué en mangeant de la viande cuite, car cette dernière est suffisamment riche en nutriments pour permettre le raccourcissement de notre tube digestif au profit de grossissement du cerveau. Les légumes ont un avantage car elles sont plus faciles à trouver de qualité. La viande industrielle est à éviter. Voilà. Donc bon, si on écoute Chotou, il faut manger que de la viande. Oui, ce qui n'est pas... Oui. C'est pas forcément ce qui est recommandé non plus, en fait. Voilà, bon, c'est à discuter. Oui. On s'éloigne du sujet, passons. Et on termine par une réponse de Jérôme. Alors Jérôme qui nous dit, pour le quiz, forcément intox, l'idée est bonne, c'est certainement pas mauvais en évitant les abus, mais c'est bien trop vague pour être fondé. intox par manque de rigueur. En attendant la réponse officielle, une piste à creuser. Et puis, il nous donne un lien sur une vidéo Dailymotion que je ne vois même pas en entier, à vrai dire. On essaiera de la mettre dans les notes de l'émission. Oui, je l'ai regardée. J'en ai vu tellement, je ne me souviens plus. Mais c'est un truc rigolo, je pense. C'est une blague. On a Gpif qui vient de répondre dans la chatroom qui nous dit « Intox, c'est un complot des fabricants d'OGM, tout ça ». Sébastien, t'as une idée? T'as une proposition à nous faire? Alors, vous savez, moi, ce qui est en dessous de 15 millions d'années-lumière, moi, je sais pas. Donc, non, j'ai pas plus d'idées que le mangeur de Chocapic moyen. Tu consommes toi-même tes 5 fruits et légumes par jour? Évidemment, ou... évidemment. Et c'est un légume des Chocapic ou pas? Bah, évidemment. T'as jamais vu comment on faisait des Chocapic? Il mange donc 5 Chocapic par jour. Bah, oui. C'est ça. C'est bon pour la santé. Du coup, on a une réponse officielle, Julie? Mm-hmm, tout à fait. Oh, on t'écoute. Alors, est-ce que ça va être un quiz à la Alan qui sera forcément un intox? Ah, suspense. Ah. Suspense. Ouais. Bon. 3615 info ou intox dans la chatroom. Allez, c'est parti. Pour commencer, et comme beaucoup d'entre vous l'ont signalé dans leur réponse, recommander de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est un peu vague. Et donc, ça peut pas vraiment être une info. On a besoin de plus de précision. C'est probablement dans un souci de clarté et d'efficacité que le message se résume dans les pubs à manger 5 fruits et légumes par jour. Mais dès qu'on se renseigne un peu, on trouve sur les sites officiels plus de détails. On apprend donc qu'il faut manger 5 portions de fruits et ou légumes par jour et qu'une portion, c'est 80 à 100 grammes, la taille d'un poing ou 2 cuillères à soupe pleines. Ok, mais on peut toujours se demander pourquoi, sur quelles études se basent ces recommandations. En réalité, toute cette campagne reposerait principalement sur une étude, SuiviMax. Elle a porté sur 13 017 hommes et femmes âgés de 35 à 60 ans pendant une durée de 8 ans. L'objectif était d'étudier l'impact des vitamines et minéraux antioxydants sur la santé. Le protocole est simple. Un groupe a pris une capsule contenant les compléments suivants, bêta-carotène, vitamine C, vitamine E, zinc, sélénium. Précisez que certains des composants sont synthétiques. L'autre groupe a pris un placebo. L'effet bénéfique des antioxydants était envisagé, mais les études n'avaient pas réussi à le prouver clairement jusque-là. Cette étude a testé leur effet combiné à certains minéraux que je viens de vous citer. De manière générale, le taux de mortalité n'a pas été plus faible chez les personnes prenant les compléments. Les cancers, maladies cardiovasculaires et la mortalité en général ne semblent pas affectés par les antioxydants et les minéraux. Ça, c'est si on regarde tout le monde confondu, hommes et femmes. Mais si on prend la catégorie spécifique des hommes, on observe pour eux un effet bénéfique. Il semblerait que les taux de décès dus au cancer et toutes causes confondues soient plus faibles chez les hommes prenant les compléments vitaminés. Alors, comment expliquer cette différence ? L'étude semble conclure que les femmes étaient moins carencées au départ et n'ont donc pas pu bénéficier des apports des capsules. Alors, pourquoi cette étude a été critiquée? Parce que oui, elle a été critiquée. Eh bien, entre autres, parce qu'elle ne considère pas réellement les bienfaits des fruits et des légumes, mais de capsules contenant des vitamines. Et donc, même si on les retrouve dans les fruits et les légumes, bah, à la fin, on n'a pas appris grand-chose. Mais ne crions pas intox trop vite. En juillet 2014, nouveau rebondissement. Frank B. Hugh, de l'école de santé publique d'Harvard, publie une méta-analyse d'études portant sur l'effet de la consommation des fruits et légumes sur la santé. L'étude cherchait à apporter des précisions, car comme je l'ai dit précédemment, on en soupçonne l'effet bénéfique depuis longtemps, mais on a toujours très peu d'éléments cohérents qui permettent de soutenir cette supposition. Donc la méta-analyse a finalement porté sur 16 études et 833 234 participants. La conclusion est que plus on mange de fruits et légumes, plus le taux de mortalité baisse, notamment en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. En effet, les antioxydants permettraient de prévenir l'oxydation du cholestérol et d'autres lipides, ainsi que de réduire un peu la tension artérielle. Ces effets permettent de réduire le taux de mortalité de 4% par fruits ou légumes consommés par jour. Ça, c'est pour les maladies cardiovasculaires. Mais on observe aussi une baisse du taux de mortalité en général. En revanche, en ce qui concerne les cancers, on n'arrive pas encore à faire de lien solide. Les résultats ne sont pour le moment pas très cohérents. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude s'est réellement intéressée au nombre de fruits et légumes consommés par jour. Et qu'on constate que plus on en consomme par jour, plus le taux de mortalité baisse, jusqu'à 5. Au-delà de 5 fruits et légumes par jour, on ne note plus d'amélioration. Alors, on comprend mieux la recommandation de l'INPES. Bon, même si elle date d'il y a 10 ans et que la méta-analyse dont je viens de vous parler date d'il y a 2 mois. Mais bon, ce serait le minimum à manger pour avoir le maximum de bénéfices. Pas la peine de s'encombrer l'estomac avec trop de haricots et de choux-fleurs. 5, ça suffit pour être protégé des infarctus. Bon, un petit bémol tout de même, et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est noté dans les points forts et faiblesses de l'étude. On a considéré la consommation de fruits et légumes par jour. Mais les études ne se sont pas forcément penchées sur le reste du régime alimentaire des participants. Par exemple, l'alimentation des personnes en général, la quantité de gras saturé consommé par jour, l'exercice physique. On peut imaginer qu'une personne qui mange beaucoup de fruits et légumes a peut-être un niveau de vie particulier, un régime alimentaire équilibré qui évite les aliments trop gras et trop sucrés. Et comment savoir à partir de là quelle part représentent les fruits et légumes dans la bonne santé de l'individu ? Et puis les fruits et les légumes, c'est vaste, non ? Sans parler des quantités, puisqu'on s'est mis d'accord que 5 fruits et légumes, ça voulait dire 5 portions. Mais entre une banane et du chou-fleur, j'aurais probablement pas les mêmes apports en vitamines et minéraux. Alors, peu importe. Selon moi, une des principales faiblesses de cette recommandation, c'est qu'on ne sait pas expliquer le mécanisme qui expliquerait que manger des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé. Donc, comme je l'ai dit, on a longtemps suspecté l'effet bénéfique des antioxydants. Mais jusqu'à présent, les études n'ont pas vraiment réussi à le prouver. En préparant cette réponse, je me suis rendu compte que le sujet des antioxydants était beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Et que, contrairement à ce qu'on nous laisse entendre, ils ne sont pas un remède miracle contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. Peut-être même au contraire. Alors, pour plus de références, je vous renvoie au blog Coffee Break Science, qui a consacré 3 articles sur les antioxydants et qui vous éclaireront vraiment sur ce sujet en particulier. Mais revenons à nos moutons. Donc, je me suis amusée à regarder les compositions de différents fruits et légumes. Donc, j'ai fait une liste non exhaustive et non représentative, mais c'est quand même intéressant. Donc, j'ai choisi des fruits et légumes au hasard. J'ai pris les tomates, épinards, choux-fleurs, haricots verts, brocolis, carottes, prunes, pommes, pommes de terre, bananes et lentilles. Donc, on peut trouver les valeurs nutritives de ces aliments sur Google. Donc, oui, c'est la référence Wikipédia dont parlait Maëlle. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur 11 aliments, les valeurs de vitamines et minéraux peuvent varier d'un facteur 4 à presque 5000. Donc, pour le magnésium, par exemple, la pomme en contient 5 mg et les épinards en contiennent 80 mg. Donc toujours, on parle par portion de 100 g. Donc, ce qui nous fait un facteur de 16. Alors on pourrait se dire, oui, mais bien sûr, on compare des fruits et des légumes. Mais en fait, pas du tout. Parce que par exemple, la banane contient 27 mg de magnésium, soit 6 fois plus que la pomme, et en contient plus que les haricots, les pommes de terre, le brocoli, le chou-fleur et les carottes. L'écart le plus impressionnant, c'est sur la vitamine A. Donc là, on passe de 2 unités internationales pour la pomme de terre à 9377 pour les épinards. Donc c'est là qu'on a le facteur 5000. On ne peut clairement pas tirer de conclusion quant à la quantité de fruits et légumes à consommer par jour, tant les disparités entre chaque aliment sont grandes, que ce soit sur le plan calorique, apport en vitamines ou en minéraux. Bon, à part peut-être les épinards, parce que vraiment, ils ont l'air d'avoir des grandes quantités de chaque nutriment. Alors, en conclusion, info ou intox ? Je serais quand même tentée de vous dire info, dans une certaine mesure en tout cas. Et puis, je ne voudrais pas que ce quiz vous encourage à manger moins de fruits et légumes. C'est vraiment pas le but. On pourrait effectivement discuter sur la quantité, reprendre l'exemple du Gorafi, de l'enfant qui est mort parce qu'il a mangé 3 pastèques et 2 citrouilles, ou se demander si en mangeant 5 fraises des bois, on rentre bien dans les critères. Mais concrètement, l'essentiel, c'est de manger de tout, en quantité raisonnable et en variant les aliments. Et si vous mangez 5 fruits et légumes par jour, ça vous permettra sûrement de manger moins de féculents, gâteaux et autres aliments qui sont plus salés, sucrés et gras et qui sont par conséquent moins bons pour la santé. Vous aurez toujours gagné ça. Et même si on ne sait pas encore expliquer pourquoi les fruits et les légumes sont bons pour la santé, c'est bien ce qu'on retrouve dans les différentes études sur le sujet. Voilà. Bon, mais merveilleux, on peut continuer à manger des pizzas tous les jours, quoi. C'est bon. Bravo. En plus, il y a de la tomate, il y a des légumes, enfin, il n'y a pas de problème pour les pizzas. C'est pour ça que je disais ça, ça a été reconnu comme étant un légume, c'est le Sénat américain, c'est ça ? C'était le ketchup, je crois. Bon, moi, il faut que je râle un petit peu. Hein. Quand même, un quiz, une réponse officielle à un quiz qui se termine, enfin, qui serait une info. Alors... Mais c'est que tu n'as jamais compris le concept du quiz, Alana. Il faut que ça varie un peu. Non, mais en plus, c'est un info un peu mou quand même. Je suis d'accord, ouais. Et c'est un info pas assumé. Parce que, tu vois, si l'injonction, c'était 5 portions de fruits et légumes par jour... Je dirais pourquoi pas, à condition qu'on définisse ce que c'est qu'une portion. Mais juste balancer comme ça, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, sérieux, moi je trouve l'injonction complètement stupide. Quoi. D'abord, il n'y a aucune indication sur les quantités. Comme tu l'as dit, bouffer 5 courges ou 5 cerises, ce n'est pas du tout la même chose. Non, mais c'est là où, mais concrètement, au-delà de l'humour ou des conneries qu'on peut dire, il y a une histoire de bon sens. Quand on dit 5 fruits et légumes par jour, quand tu manges des cerises, tu ne comptes pas le nombre de cerises que tu manges. Tu dis, j'ai mangé 3 fois de la cerise, ou tu vois ce que je veux dire. Ça coûte quoi d'ajouter un mot dans Tu manges jamais une pastèque en entier. Non, mais tu dis 5 portions de fruits et légumes, tu dis pas 5 fruits et légumes. Tu vois, oui. Pour moi, il y a vraiment un truc qui joue pas. Quoi. Je trouve que c'est prendre les gens pour des cons. Pour rappel, on a quand même un cerveau, c'est notre spécificité en tant qu'homo sapiens. On peut nous dire des trucs un petit peu plus intelligents, on comprend. Ouais, mais pour moi... Quand on dit par jour, moi j'ai encore un autre truc à challenger, pourquoi par jour ? Tu vois, sans dire Choteau tout à l'heure qu'on devrait bouffer de la viande, je pense quand même qu'au cours de notre histoire évolutive, on n'a pas eu accès à des fruits et légumes tous les jours, en toute saison. Mais on est quand même arrivé jusqu'ici. Donc, bouffer des légumes, c'est sans doute moins mauvais que de bouffer de la raclette. Mais pourquoi tous les jours? Les vitamines en question, on les stocke dans l'organisme. Oui. Là aussi, je trouve que la recommandation est débile. Puis accessoirement, je trouve que ça stresse les gens, ce genre de recommandation. Il y a des drames autour des tables familiales quand les enfants ne mangent pas leurs 5 fruits et légumes par jour. Je pense qu'il y a des effets vraiment pervers à balancer ce genre d'injonction comme si c'était des vérités. Et puis que ce n'est pas bon pour la confiance qu'on peut avoir dans les experts, ce n'est pas bon pour la confiance qu'on peut avoir dans les autorités sanitaires. Du coup, franchement, moi, j'aurais dit un tox sur ce truc, pas info. Pas juste parce que je n'aime pas que les quiz se terminent en info, mais juste parce que ce n'est pas une info, en fait. C'est la porte ouverte à n'importe quoi. Mais je suis pas complètement d'accord. Hein? Moi, je dirais pas n'importe quoi non plus. C'est un conseil. Alors peut-être que c'est un conseil maladroit, mais ça part d'un bon exactement. Principe. C'est vrai que. Et je pense que vraiment. C'est un conseil et sans prendre les gens pour des cons. Rajouter portion, pourquoi pas. Et je suis pas convaincu que ce soit volontaire le fait de pas avoir mis portion dans la formule. Par contre, sur le par jour, oui, bien sûr, on stocke et tout, mais là, ça devient inaudible. Si tu dis, il faut que vous ayez mangé 25 portions par semaine de fruits et légumes, bah, c'est complètement incompréhensible. Et c'est là où ils disent, bon, bah, on fait une moyenne et on dit 5 fruits et légumes par jour. Et moi, je connais personne qui compte vraiment chaque jour. Mais je connais par contre des gens qui vont se dire, ah putain, j'ai commencé ma semaine en mangeant des kebabs, je vais essayer de finir ma semaine en mangeant de la salade, quoi. Ça, je connais, ouais. Et donc ils le font, cette moyenne, justement, ils sont intelligents. Et le but, et c'est ce que disait Julie en introduction, c'est que mine de rien, cette formule, elle est retenue. Et c'est pour ça qu'on en déconne aujourd'hui. Donc il y a un de ces buts qui était que les gens se disent c'est important de manger des fruits et légumes, qui est rempli. Voilà, c'est ça. En fait, le message, c'est ça. Et que moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que vraiment, par contre, pour trouver pourquoi ils recommandent ça, c'est franchement pas évident. Moi, je pense que c'est mieux de manger des fruits et des légumes, mais finalement, quand tu creuses un peu, bah, ils savent pas expliquer pourquoi, et il y a pas vraiment d'études qui le prouvent clairement, quoi. C'est plus ça qui m'épate. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Ouais. C'est sûr que si c'est il y a 2 mois qu'on a enfin prouvé pourquoi il y a 10 ans ça a été fixé. Et puis surtout, les mecs te disent, oui, mais bon, on n'a pas regardé si les gens faisaient du sport, si les gens mangeaient à côté, je sais pas, des plats préparés, ou enfin. Il y a plein de critères qui ne sont pas pris en compte, qui peuvent avoir une influence sur la santé des individus. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, pour moi, c'est une manière de déléguer les responsabilités, de culpabiliser les gens. Genre, tu n'as pas bouffé tes 5 fruits et légumes, tant pis pour toi, va mourir. Il y a cette dimension-là aussi qui m'énerve dans toute cette approche. À mon avis, la volonté du discours était beaucoup plus simple que ça. Elle était juste de dire, les gars, les fruits et légumes, ça existe aussi, quoi. Et t'as certains pays ou certains endroits ou certaines populations où, mine de rien, c'est pas plus mal de le rappeler aussi, quoi. Quand je déconnais sur la pizza est un légume, t'as des gens au niveau alimentation, et moi je bosse dans un quartier où c'est pas évident de manger autre chose que des trucs où il n'y a pas de légumes, en fait. Il y a des faux légumes, tu vois, il y a salade, tomate, oignon, quoi. C'est pas que kebab, c'est même tous les sandwichs où c'est salade, tomate, oignon, ou ta mayonnaise, ou pas forcément oignon, tu vois, mais t'as salade, tomate, la salade c'est 3 feuilles, je suis pas sûr que ce soit 3 légumes en l'occurrence. Les tomates, ça c'est, tu sais même pas si c'est des tomates, parce que bon, de toute façon maintenant on est dans un monde où il y a des tomates toute l'année, donc ça c'est encore un autre discours. Ouais. Hein, mais et de dire. Non, c'est vrai que je vois aux États-Unis, il y a des gens qui mangent que de la viande, quoi, tous les jours, à tous les repas, c'est ahurissant, même au petit déj. Et c'est vrai que ben, leur dire ben, manger des fruits et des légumes, c'est un bon message. Après peut-être c'est un message maladroit, mais c'est un message quand même. Après je peux comprendre ce que dit Alan, c'est ça me fait penser. Je vais faire attention, je vais faire mon... Enfin, je me suis lancé, tant pis, trop tard, mais... Non, je me dis tout de suite, ça va faire très pédant, mais c'est un texte qui est très connu et que... Enfin, il faut vraiment lire, qui est bien, qui est de Kant. Alors évidemment, si t'es Kant, on se la pète tout de suite. Qui s'appelle « Qu'est-ce que les lumières ?» Je sais pas, vous connaissez ou pas ? Non. Non, parce que non. Ça dit exactement ce que tu dis, Alan, en fait, qui est de dire, en fait, il dit, il essaie de définir ce que sont les lumières, qu'est-ce que c'est le siècle des lumières, machin, tout ça, et il dit, c'est de penser par soi-même, quoi, et donc, en fait, il dit, si, alors, il a une phrase géniale, je la connais pas par cœur quand même, hein, mais si j'ai, en gros, un prêtre pour me dire ce qu'il faut que je croie, un roi pour me dire ce qu'il faut que je fasse, et un médecin qui me dit comment je dois vivre... Eh ben, j'ai plus besoin de penser, un journal qui me dit ce que je dois penser, j'ai plus besoin de penser, c'est bon, il y a des gens qui s'en occupent à ma place parce que c'est un peu fatigant et je me repose sur eux. Et là où je te rejoins, effectivement, Alan, c'est que là, avec des messages simplistes comme ça, on te fait croire qu'effectivement, il y a des règles simples à appliquer et que t'as pas besoin de réfléchir, quoi. et je vais laisser une part à l'intuition et à la réflexion des gens, c'est peut-être pas non plus... Enfin, ça peut aller vers cette dérive-là. Mais je... Voilà. Après, j'entends bien l'argument de dire les gars, les légumes, ça existe, quoi. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'on s'est aperçu pour d'autres choses comme les cigarettes ou les capotes que faire des pubs qui font peur, ça sert à rien. C'est pour ça que maintenant, par exemple, pour les capotes, ils font des pubs qui font plus mettre en avant qu'on peut avoir plus sur le plaisir que pour vraiment... Si vous en mettez pas, vous allez attraper le sida. Il y a un autre... je pense qu'il y a quand même aussi quelque chose à prendre en compte. C'est que moi, j'aimerais bien savoir, j'ai pas regardé, mais l'impact que ça a suivant les différentes couches sociales dans la société, quoi. Parce que j'en discutais la dernière fois avec des amis. On disait, avec un kilo de pâtes, tu nourris une famille, quoi. Donc pour le même prix, t'as même pas un kilo de courgettes. Et c'est ce que disait aussi... citron vert, je crois. Les fruits et les légumes, c'est bien, mais c'est quand même vachement cher aussi. Et donc, il y a un problème, je pense que c'est... Après, ça dépend de quels fruits et légumes, et c'est plus un problème aussi de notion de saison. Hein. Quand tu te mets à acheter des fruits et des légumes de saison, il y a des fruits qui sont chers au niveau légumes. Quand tu es dans la saison, tu t'en sors quand même pas très cher. Alors, par rapport à des pâtes et des pommes de terre, je suis d'accord. Mais et par rapport à de la viande, par exemple, il n'y a pas photo. Hein. Oui, par rapport à de la viande, ouais. Ou de la viande de qualité, c'est toujours pareil. Non, même de la viande dégueu, même du steak surgelé, tu te retrouves moins cher à te faire une salade composée quand t'es en saison. Hein. Ouais, mais je pense que ça a quand même pas le même... ça a pas la même image... Ah oui, ça a pas la même image, ça je suis d'accord, mais t'es autant nourri... Je te dis pas, je vais me nourrir d'une salade de saison, tu vois. Bah enfin, ouais, mais dans les faits, tu te nourris autant, en fait. Oui, je suis d'accord, mais je suis pas sûr qu'il y ait cette image... Ouais, mais c'est là où le discours, du coup, prend son importance. Voilà. Mais peut-être pas dit comme ça, mais... Bref, on enchaîne. Yep. En tout cas, super réponse, hein, Julie, merci. Ouais, merci beaucoup, bravo. On passe à la nouvelle excellente rubrique. la rubrique, je me demandais. Bon, en fait, quand tu l'as lancée, Nico, je me suis dit, aïe, encore une initiative nico-tupienne. Mais t'avais pas lu What If à l'époque. C'est vrai. C'est un crime. Ouais, je me disais que ça allait être du grand n'importe quoi. Puis en fait, pas du tout. Les questions qui arrivent sont super intéressantes. Parfois, les réponses sont vite trouvées. Par exemple, Thomas Le Cavelier nous a envoyé la question suivante. Hello, je me demandais, la grande invention de l'homme, c'est la roue. Comment se fait-il que le vivant n'ait pas produit ce moyen de locomotion qui est devenu le principal de l'être humain ? Merci pour tout et à bientôt. Bah, il se trouve que Léo venait de répondre à la question. Léo, c'est l'auteur de l'excellent blog « Dans les testicules de Darwin ». On vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Enfin, vous le trouvez sur Google, c'est super facile. Quoi. Vous tapez « Dans les testicules de Darwin », ça remonte. Et de la chaîne YouTube « Dirty Biology », dont on vous a certainement parlé. Si on ne l'a pas fait, c'est une erreur. Et c'est justement le sujet de sa 8e vidéo, sortie il y a quelques jours, « Les animaux à roues du futur ». Alors, on vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Vous êtes bien sûr encouragé à aller voir la vidéo après le podcast. C'est juste excellent, comme tout ce qu'il fait. Mais bon, c'est le milieu de la nuit pour lui. Il vit en Thaïlande. Du coup, il ne pouvait pas nous rejoindre en live pour répondre à Thomas. Il nous a quand même enregistré la réponse que voici. Alors, pour répondre à la question « Pourquoi les animaux n'ont-ils pas de roues ?», je pense qu'en fait, on peut prendre une voie détournée et essayer de comprendre pourquoi on ne fait pas de voiture avec des pattes. C'est pour, on peut inverser la logique. En fait, faire une voiture avec des pattes, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut articuler donc des pattes de façon correcte. Et donc, pour faire ça, on a tout simplement mis des roues sur nos chariots, sur nos voitures, et on a enduit des surfaces monumentales de goudron. Donc, comme ça marche. Les roues sur le goudron, ça fonctionne. Mais en fait, en dehors de ces environnements très très particuliers, très très précis, les roues deviennent beaucoup moins efficace en fait. Quand tu fais du 4x4 avec une roue, tu comprends que tu peux t'embourber, etc. Alors qu'un animal avec des pattes ne s'embourbera jamais. Finalement, en fait, les pattes sont quand même la meilleure solution dans des environnements naturels, en particulier des environnements extrêmement accidentés. Donc en fait, voilà, les pattes sont vraiment la meilleure solution qu'a trouvé la nature pour se déplacer. Et je pense qu'il y a une bonne métaphore qu'on peut récupérer, alors c'est une métaphore historique, c'est Gould, Stephen Jay Gould qui raconte ça dans un de ses livres, où il explique en fait que lorsque l'Empire romain s'est retiré d'Arabie, les gens sont finalement retournés aux chameaux, donc des véhicules à pattes, hein, parce que entretenir le système routier, c'était beaucoup trop compliqué, beaucoup trop coûteux, et ils n'avaient plus cette capacité-là technique de le faire. Donc ils sont retournés aux pattes. Donc en fait, c'est vraiment une très bonne métaphore, je trouve, parce que les roues ne sont valables que dans un environnement donné, et c'est un environnement qui est très coûteux à entretenir. Voilà. Donc j'espère que dans le futur, on aura des voitures avec des pattes plutôt que des voitures avec des roues, qui sont une espèce de demi-solution quand même. Voilà. Excellent. Ah, c'est super intéressant, j'y avais pas pensé moi en fait. J'ai juste entendu hier que l'armée américaine a mis au point justement un animal qui courait plus vite que le cheetah, je crois, et justement dans le but effectivement de créer des machines qui peuvent certainement se déplacer très vite partout en fait. Donc il y a pas mal de robots en ce moment qui sont mis au point justement avec des pattes. Ouais, oui. Et puis même si on prend genre les rovers, le rover martien là, Curiosity, c'est des roues, mais en fait c'est des roues qui commencent à aller vers les pattes en pouvant se mettre un peu plus haut, en avançant, etc. pour justement pouvoir marcher en milieu hostile, quoi. Sur les robots avec des pattes, là, c'est les vidéos YouTube de Boston Robotics, et je vous encourage à aller les voir, c'est vraiment incroyable. Le truc qui est vraiment effrayant, c'est que ça a été racheté par Google pour en faire des robots intelligents avec des pattes qui courent très vite. ouais, c'est vrai. Moi, cette problématique des animaux avec les roues, ça me rappelle la trilogie à la croisée des mondes, je sais pas si vous l'avez lu, de Philippe Pullman, où dans le tome 2, il y avait ces espèces de chevaux à trois pattes avec qui entraient en symbiose avec une espèce de noix qui était naturellement lubrifiée avec un trou. Du coup, ça faisait une roue. Et puis, je trouvais ça sympa à l'époque. Donc voilà, ça rien à voir, mais je suis content d'avoir pu le citer. Et après, si je confonds pas de vidéo, il me semble qu'aussi il précise bien dans sa vidéo qu'il y a quand même des animaux qui ont su exploiter, qui savent exploiter par moment la forme de la roue, en se mettant en forme de roue pour aller plus vite dans certaines circonstances sans qu'ils aient une roue permanente, quoi. C'est dans cette vidéo ou pas, Alan, ou c'en est dans une autre? Oui. Je pense en particulier aux insectes qui roulent le long de... Bon bref, Alan n'est plus dans le coin. Si, si, non, j'essaie de retrouver à quoi tu fais allusion. Non, c'est pas dans cette vidéo. C'est pas dans cette vidéo, mais en tout cas, donc, j'avais dû le lire ailleurs, mais donc, ouais, il y a des animaux quand même qui ont exploité la forme de roue sans pour autant avoir une vraie roue à axe, quoi. Une espèce de Sonic, en vrai. Ouais, c'est ça. Mais donc, on me dit que, sur Internet, on me dit que ça s'appelle un Cordylus cataphractus. Voilà, c'est exactement ça que je pensais. Tout à fait. Je savais. Donc, merci Léo. Pour rappel, on le retrouve sur son blog, donc qui est membre du Café des Sciences. C'est dans les testicules de Darwin.blogspot et sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Dirty Biology, en un mot, sans trait d'union ou quoi que ce soit. Et là, je profite de l'occasion pour souhaiter à Léo un joyeux anniversaire avec quelques jours de retard. Joyeux anniversaire. Wouhou! Bon, et pour finir sur Je me demandais, je veux quand même vous prendre 2 minutes pour vous parler. Moi, je devais faire une rubrique à cette émission, alors vous n'allez pas le croire tout ça. Mais en fait, si, j'ai vraiment lu plein d'articles sur essayer de chercher des documents sur une question qui était quelle est l'air dans les poivrons, que j'ai voulu transformer en peut-on vivre en ne respirant que l'air contenu dans les poivrons. Et en fait, à ma grande déception, en retournant dans tous les sens, un papier en particulier et puis 2-3 autres sources, j'ai dû me réduire à la chose qui est que l'air dans les poivrons n'est rien d'autre que de l'air, en fait. Donc, il y a un peu de pourcentage d'oxygène qui change un poil, mais bon, c'est vraiment rien du tout. Du coup, ça a limité un peu les possibilités de la réponse. Alors après, je m'étais dit, ça va être sympa quand même de vérifier si on produit suffisamment de poivrons pour respirer par rapport à ce qu'on respire. Et en fait, oui aussi. Donc du coup, il n'y avait pas grand-chose à dire. Non seulement c'est de l'air, et puis il y a suffisamment de poivrons produits dans le monde pour qu'on en ait suffisamment pour respirer. Ça demande un peu d'organisation, j'imagine, mais en fait, ça peut se faire, quoi. Donc voilà, je vais m'attaquer à la question suivante qui va sans doute être plutôt quel est le poids d'Internet? T'en as une nouvelle qui vient d'arriver dans la chatroom, signée d'un certain Topo, je crois, qui demande que se passerait-il si toutes les vaches pétaient simultanément? Ça, c'est une bonne question. Il faudrait qu'il l'envoie par mail, histoire qu'on la note. Mais ça me paraît une excellente question. Tu rappelles l'adresse? Tiens, il est une deuxième question. Je me demandais à podcastscience.fm. Il demande aussi que se passerait-il si tous les humains sont... Ça, il y a déjà eu la réponse, en fait. Il ne se passerait rien. C'était l'objet d'une performance qui consistait à ce que tous les humains sautent en même temps pour décaler un peu l'orbite de la Terre et endiguer le réchauffement planétaire. Le réchauffement climatique. Et ça n'a pas marché. Et non seulement ça n'a pas marché, mais ça ne pouvait pas marcher. Il y a eu un article dans... Excusez-moi, j'ai toujours les mêmes sources, hein, mais dans Science et Junior, où ils faisaient le calcul en s'emmerdant à regrouper toute la population mondiale sur le plus petit bout de terrain possible pour que ça ait le plus d'impact possible, et ça fait rien. C'est super décevant. Ouais, voilà, moi j'y croyais beaucoup à ce truc. Il y avait pas mal d'inscrits. Je crois qu'il y avait 500 millions d'inscrits. C'était dans le monde entier, en fait. C'était dans l'hémisphère nord. Ou alors leur compteur, j'ai pas été vérifier la fiabilité. Hein, parce que... Mais voilà. Et donc c'est ça sur Je me demandais qui en effet relève plein de questions. Alors je vous rappelle juste un petit mot là-dessus. C'est que là, on est au premier niveau qui est sympa. C'est que vous envoyez des questions rigolotes et intéressantes. Maintenant, il ne faut pas hésiter à les mettre en contexte, quoi. C'est-à-dire, la rubrique anglaise s'appelle « What if ?» et c'est vraiment « et si ?» et donc, voilà, il faut essayer d'imaginer ce qu'on pourrait faire avec ça. Ça peut être amusant d'aller plus loin et ça peut nous permettre de nous tordre encore plus pour essayer de trouver une réponse pertinente, quoi. Bref, en tout cas, les questions sont géniales et je pense qu'aller chercher ce qui se passe si toutes les vaches pètent en même temps va être un bon travail. Il a une autre question aussi, hein. Il te demande de combien pèse l'humanité entière, vivante et morte. Non, mais s'il continue à poser des questions toutes les secondes comme ça, on va le charger des réponses aussi, parce que ça va pas être possible. Nico va devoir beaucoup sous-traiter. On n'a pas fixé de quota, en même temps, il peut se lâcher, il peut y aller. C'est à Robin. Robin, il a préparé quelque chose. Ouais, j'ai préparé quelque chose. J'ai essayé de suivre ce qui précédait, mais à partir du moment où elle m'a conseillé de taper dans les testicules de Darwin, j'ai tout perdu. C'est quand même le meilleur titre de blog du monde. Taper ça dans Google, si tu veux, ça fait moins d'effet quand même. Faut effacer l'historique après. Ce qui va être là, c'est si après il veut trouver du boulot grâce à ce blog. Oui, donc je tiens les testicules de Darwin. Bien. Alors, on y va, ça va être difficile d'enchaîner avec ça. Ça va être très très et difficile. Ça fait longtemps que vous écrivez sur les testicules de Darwin. Est-ce que je peux vous rejoindre dans les testicules de Darwin? Enfin bon, bref. On y va? On parle de choses sérieuses ou quoi là? Ouais, tu peux parler de trucs sérieux, ça y est, la chatroom est partie de toute façon. C'est vrai, il n'y a plus personne dans la chatroom. Non, non, ils font des blagues. Topo qui dit « je tiens les testicules de Darwin », tout ça. D'accord. Bien, alors ça va être beaucoup moins drôle, hein. je m'en excuse à l'avance. En plus, il s'agit de problèmes. Alors, j'avais promis, puisqu'on m'a dit, oui, alors toi, dès que tu racontes des plantages, il faut que ça parle de physique. Quand tu parles de maths, c'est que des trucs qui réussissent. Voilà, tout ça, voilà. Non, bon, donc je suis fair play. Deuxième fois que je parle d'un plantage, je vais parler de maths. Alors, bon, c'est un type de problème. Ça fait partie des problèmes. C'est un peu, on sent dès le début que ça va être difficile de communiquer aux gens normaux, disons, l'enthousiasme que ce type de problème provoque chez les matheux. Mais l'histoire autour de ce problème est tellement belle que j'espère malgré tout inciter tout le monde à se lancer dans la recherche mathématique grâce à ce sujet. Quand on n'est pas optimiste, on ne fait pas le métier que je fais. Bien. Alors, le problème posé est celui-là. Quelles sont les formes qu'on peut utiliser pour carreler une cuisine? Alors, enfin, dit d'une façon un peu plus précise, un peu plus mathématique, on cherche une forme qu'on va dupliquer en plein, plein, plein, plein, plein d'exemplaires et qui peut permettre de recouvrir le plan. C'est-à-dire, on va coller cette forme-là à elle-même bien comme il faut et ça va recouvrir le plan sans laisser de trous. Alors, évidemment, les gens sans imagination vont tout de suite se contenter d'un carré, hein, ce qu'on trouve dans la plupart des cuisines et des salles de bain, ce qui est quand même assez lamentable, ou d'un hexagone régulier, ce qu'on trouve aussi de temps en temps. À la grande rigueur, des fois, on voit des rectangles, c'est à peu près tout. Alors, permettez-moi de me dire que c'est un peu lamentable. Alors, déjà, sur les trottoirs, quand même, on voit des formes un peu plus variées, on voit des sortes de... Je ne sais pas si vous voyez... Il y en a qui suivent et qui écoutent que ce que je raconte ou pas du tout, juste... Tout à fait, tout à fait. Donc, avec des carrés, il n'y a pas de problème avec des carrés. Donc, on sait que le carré est une forme qui permet de faire un pavage. On peut recouvrir le plan avec des carrés, tous les mêmes. Donc il y a d'autres formes. On voit par exemple sur certains trottoirs des formes un peu compliquées. Il y a une forme notamment, j'essaye de la décrire, mais alors sans l'image ça va être compliqué, qui ressemble un peu à des éponges, les éponges arrondies là, qui sont avec des ronds en creux et des ronds en bosse sur les bouts. Et ça ressemble à ça. Et les ronds en creux et les ronds en bosse s'imbriquent très bien l'un dans l'autre. Ça fait des sortes de rectangles arrondis qu'on met en quinconce. Je ne sais pas si c'est très, très clair. Mais c'est des choses qu'on observe assez... Ça arrive sur les trottoirs. Enfin, bon, y a d'autres formes, vous me trouvez. Si vous pouvez imaginer, en fait, y a pas mal de ces formes qu'on voit dans les mosaïques. Bon, alors après, ce n'est pas régulier. Toi, tu parles de toujours les mêmes pièces de carrelage, hein, c'est ça? Alors là, on se pose la question avec un seul type de forme. On ne mélange pas plusieurs formes. On se pose la question avec un seul type de forme. Quelles formes peuvent paver le plan? Alors, quand un mathématicien se pose ce type de questions, le problème n'est pas de trouver quelques formes comme ça et en trouver des jolies. Le but, c'est d'avoir la liste de toutes les solutions à ce problème-là. Alors, évidemment, c'est un peu plus compliqué. On peut aller quand même un peu vite sur le début. On sait qu'avec n'importe quel triangle, par exemple, c'est possible. On prend n'importe quel triangle, on le met tête bêche avec lui-même, ça fait un parallélogramme. Des parallélogrammes, on les range les uns à côté des autres, ça fait toute une bande qui est remplie entre deux droites parallèles, et puis après on empile ces frises les unes sur les autres, et on sait que ça fait un pavage, ok, tout va bien. Avec n'importe quel quadrilatère, c'est pareil, on sait qu'on peut paver le plan, c'est pas trop compliqué. On sait aussi que si on utilise des polygones qui ont plus de 7 côtés, c'est impossible d'en trouver qui pavent le plan. Donc il y a quand même toute une série de formes pour lesquelles c'est facile. Alors on prend des polygones convexes, c'est-à-dire sans creux. Voilà. Et donc il reste le cas des pentagones et des hexagones. Alors avec les hexagones, bon, on sait qu'avec les hexagones réguliers ça marche bien, du coup on peut imaginer qu'on prend un pavage avec des hexagones et qu'on tire dessus dans un sens, dans l'autre, tout ça, ça fait des pavages qui fonctionnent, ça fait d'autres formes, mais qui sont toujours des hexagones qui permettent de paver le plan. Pour préciser, parce qu'on a eu plusieurs fois la question dans la chatroom, tu cherches à recouvrir le sol d'une salle infinie, parce qu'on est en maths. Ouais. Oui, on est en maths. Enfin, la salle n'a pas de forme, donc il n'y a pas une question de « il faut bien que ça colle au bord ». Non, bord, on s'en fout. En maths, faut juste que ça recolle tout. Oui, j'oublie toujours de dire ça. Oui, le bord, on s'en fout, ouais. Donc, c'est pas... Oui, c'est juste... J'ai pif dit, donc du coup, il ne demande pas le prix au mètre carré. Ça, non, ça, c'est... on est bien au-dessus de ça. C'est mignon, les non-matheux, c'est vraiment... ils se réoccupent de trucs. Bon, donc voilà, donc avec certains hexagones, ça fonctionne. Je peux vous laisser regarder, réfléchir à la question. Il y a différentes formes avec lesquelles ça fonctionne. Avec les pentagones, alors les pentagones réguliers, ça fonctionnera pas, mais il y a d'autres pentagones avec lesquels ça fonctionne. Il y a des pentagones avec lesquels ça fonctionne qu'on voit sur certains trottoirs aussi, des sortes de maisons. C'est-à-dire, vous prenez un carré et au lieu de faire un des quatre côtés que vous enlevez et à la place vous faites un petit toit, un petit triangle. Si vous placez côte à côte des maisons comme ça et que vous mettez au-dessus des maisons mais à l'envers, ça va à nouveau vous faire une bande entre deux droites parallèles, et donc il suffit d'empiler les bandes pour que ça fonctionne. Donc avec certains pentagones c'est possible. Bon, j'espère que là le problème était suffisamment clair. Il y a d'autres formes, il y a par exemple le pavage qui s'appelle du Caire, de la ville du Caire, qui utilise des pentagones. Alors apparemment quelqu'un un jour a vu ce pavage au Caire, et depuis ça s'appelle le pavage du Caire, et du coup moi j'avoue honteusement avoir passé un certain temps sur Google Maps pour essayer de retrouver le pavage du Caire dans une des rues, et je ne l'ai jamais trouvé. Si quelqu'un le voit un jour, je veux bien une photo, une preuve qu'il existe vraiment quelque part ce pavage, parce que j'ai pour l'instant jamais vu. Bien, alors ça c'était le problème, maintenant la belle histoire. En 1918, il y a le mathématicien Karl Reinhardt qui établit la liste complète de tous les types de pentagones et de toute la liste de tous les types d'hexagones qui permettent de carreler le plan, de paver le plan. Voilà, le problème est clos. Alors évidemment, vu que c'est la rubrique ratage, vous doutez qu'il y a une suite. La suite, c'est en 1968, il y a un autre mathématicien, Richard Kirchner, qui publie un papier et qui dit « Attention, Reinhardt a raconté n'importe quoi, il n'a pas été très très rigoureux dans sa démonstration. La preuve, pour les pentagones, j'ai trois nouveaux types de pentagones qu'il avait oubliés. » Et donc, il avait une liste de 5 pentagones. Il faut rajouter ces 3-là, ça fait 8. Et ça y est, avec ces 3-là, la liste est close, le problème est terminé. Ça veut quand même dire que pendant 50 ans, un problème qu'on considérait comme étant terminé ne l'était en fait pas. Voilà, ce qui est un peu... choquant pour des mathématiciens. Généralement, quand on affirme quelque chose, on a une vraie preuve, quoi. Et donc le problème était terminé. Et Martin Gardner, alors, j'espère que tout le monde connaît. S'il y en a qui ne connaissent pas, c'est un scandale. C'est quelqu'un d'essentiel dans la vulgarisation des mathématiques. Il a fait énormément de publications. Et alors, juste d'ailleurs, pour la petite coïncidence, il aurait eu 100 ans le 21 octobre prochain. Voilà, ça va être, il va y avoir des gens qui vont faire la fête à cause de ça. Et donc, il avait une rubrique dans le Scientific American présentant des résultats de maths. Et donc, il présente ce résultat-là. Il dit, voilà, ça y est, on a la liste des 8 types de pentagones qui pavent le plan. Et alors là, c'est là que ça devient très sympa. Il y a un informaticien, pas du tout mathématicien, donc Richard James, qui lit cet article. Il lit le résultat, il voit le résultat. Et il dit « Oh, bah ça, c'est un petit problème rigolo, je peux y réfléchir tout seul. » Et donc, au lieu de lire l'article de bout en bout, il prend un papier et un crayon et il commence à chercher tous les pentagones avec lesquels on peut faire un pavage. Et puis après, il lit l'article et il se rend compte qu'il y a un des pavages qu'il a trouvé qui n'est pas dans la liste de Kirchner. Donc, il en a encore trouvé un. Donc, ça veut dire que c'est la deuxième fois que quelqu'un prétend avoir la liste de tous les pentagones qui permettent de paver le plan et que c'est la deuxième fois que c'est faux. Donc, c'est voilà. Alors, il envoie évidemment ça tout de suite à Martin Gardner, qui publie ce résultat en disant, bon ben voilà, il y a un mathématicien professionnel qui visiblement vient de se faire tacler par un amateur, un informaticien, tout ça. Et alors là, on se rend compte qu'en fait, Kirchner, ouais, il avait publié un article en disant que, ouais, ouais, il les avait tous et qu'il avait une preuve, mais sauf qu'il n'avait pas du tout publié la preuve. Donc, voilà, il n'avait pas publié la preuve, il n'avait pas de preuve. Enfin, il en avait probablement une, mais avec des erreurs dedans. Il avait juste dit, ouais, c'est un peu long, c'est un peu pénible, je finis ça plus tard, et en fait, voilà, erreur. Et alors là, c'est là que c'est encore plus beau, c'est pas fini. Il y a Marjorie Rice, une mère de famille sans formation scientifique spéciale, qui tombe sur ce deuxième article. Alors, elle le reçoit parce que son fils est abonné, mais elle n'a jamais fait d'études scientifiques, tout ça. Et elle feuillette, elle tombe sur ce très joli dessin de pavage de pentagone. Ça, elle trouve que c'est très joli, elle lit, elle comprend le problème. Et donc, elle prend un papier, un crayon, puis elle commence à griffonner ses petits pavages et tout. Puis pouf, elle en trouve un nouveau. Alors, bon, bah, elle se laisse pas impressionner, elle se dit pas, je me suis planté ou quoi. Elle l'envoie, quoi. Elle dit, ah, bah, tiens, les gars, j'en ai encore trouvé un, c'est rigolo. Et puis après, en plus, elle continue à chercher, puis elle en trouve trois de plus. Juste comme ça, en griffonnant, le genre de truc, elle n'a pas de formation, donc elle cherche juste à faire joli, elle cherche juste intuitivement, et elle trouve quatre pavages avec des pentagones qui avaient été oubliés par les mathématiciens, alors que ça faisait genre 60 ans que c'était censé être fini ce problème, quoi. Donc je donnerais très cher pour voir la tête que Kirchner a faite au moment où il a appris qu'il y avait deux amateurs qui lui avaient ruiné son théorème, soi-disant lui, mathématicien professionnel. Alors aujourd'hui, on connaît donc, pour finir l'histoire, 14 familles de pavages par pentagone. Donc je vous rappelle que la première annonce, c'était 5. Ensuite, il y avait Kirchner qui en avait rajouté 3, ça faisait 8. Il y a l'informaticien qui en a trouvé 1. Il y a la mère de famille qui en a trouvé 4. Et puis en 85, il y a un mathématicien allemand, Rolf Stein, qui en a trouvé un de plus et qui démontre enfin que la liste est terminée. Et juste après, on trouve une erreur dans sa démonstration. Donc ce n'est toujours pas démontré. Donc on a une liste de 14 types de pavages avec des pentagones. Plus personne n'ose affirmer qu'elle est complète. Personne ne sait avec certitude si elle est finie ou pas. Et donc, eh ben, peut-être qu'il en reste encore à trouver. Et donc, j'espère vous inciter à prendre vos crayons pour essayer d'en trouver de nouveaux. Je vais donner un lien avec... c'est pas compliqué à trouver, ça se trouve sur Wikipédia, de la liste, parce que c'est très joli en plus comme problème. Enfin, les pavages, c'est très joli à regarder. Des 14 types de pavages avec des pentagones qui existent. Voilà, donc même les mathématiciens sont faillibles. Oh, c'est une chouette histoire, ça. Ouais, et puis c'est un peu un grand classique des mathématiciens qui disent « je sais faire, mais j'ai pas la démo sous la main », quoi. Ouais, il a pas dit « j'ai pas la démo », il a dit « ouais, c'est long, c'est un grand intérêt, c'est pas très intéressant ». Un peu comme Fermat, quoi. Ouais, voilà. Non, Fermat, il a pas dit ça, il a dit « j'ai pas la place », lui, il a juste dit « non, je voulais pas », parce que c'est chiant, quoi. C'est un peu ça, c'est « j'ai la flemme », concrètement. et Fermat, on sait à peu près de manière sûre, enfin quasi sûre, que a priori, la démo qu'il avait en tête était fausse, quoi. Ouais, bah lui, on sait aussi, puisque on a trouvé des contre-exemples. Ouais, c'est ça. Donc finalement, c'est sympa. Il y en a quand même trois. Il y a trois mathématiciens professionnels. Et du coup, comment on fait aujourd'hui pour paver les cuisines infinies sans avoir cette réponse? Non, des cuisines infinies, je ne sais pas, mais par contre, ça me donne des idées pour... parce que moi, je vais quand même déménager bientôt, et ça me donne des idées pour le carrelage de ma cuisine. Hein. Clairement, il y en a qui sont très, très jolis. Je vois. Non, mais en même temps, des pavages, ça, c'est assez rigolo quand vous partez dans les pays ou dans les endroits où il y a de l'architecture avec une architecture orientale. Les bateaux regardent que les sols, les plafonds, les vitres, où il y a tous ces pavages, en fait. Parce qu'il y a plein d'exemples. Ah bah c'est-à-dire qu'un bateau il se prend les murs parce qu'il se prend les portes parce qu'il regarde tout le temps le sol ou le plafond. Enfin bah déjà quand je suis allé à Rome c'était un peu un carnage. Moi c'est quand je suis allé à l'Alhambra que c'était pas mal. Non l'Alhambra c'est. Ouais. Mais voilà là on se pose d'autres questions hein, l'Alhambra tout ça machin. On a le droit d'utiliser plein de formes différentes. Là c'est un seul type de forme. Ouais. Hein. Enfin, c'est suffisamment difficile comme ça. Et c'est en 2D. Ouais, ouais. Parce qu'après il y a des problèmes. C'est en 2D. Ah oui oh là là. Mais alors en 3D, a priori, je crois que c'est en fait plus facile. Je crois que le problème était résolu. Enfin, il faudrait vérifier. Je vais peut-être dire des bêtises, mais... Yep. Toujours est-il que là, voilà, c'est un problème. Ce que je trouve très joli. Alors, pour les... Je termine juste là-dessus pour les ceux qui connaissent, les un peu matheux, qui connaissent un peu de la chatroom et qui écouteront l'émission plus tard. Les autres, désolé, ça va être très court. Il y a une bonne question qui est de savoir s'il est possible de faire un pavage non périodique avec des pentagones. Parce que... on ne sait pas s'il est possible de trouver un pavage non périodique avec un seul type de tuile. Avec deux, on sait que c'est possible, les pavages de Penrose. Avec un seul, on ne sait pas. Et ben, peut-être qu'avec un pentagone, c'est possible, ça en ferait un de plus. Et en plus, s'il n'est pas périodique, ça serait trop la classe. Ok, Bon, les amis, je vous propose qu'on avance un peu parce qu'on n'a toujours pas commencé le retour sur les émissions précédentes. On avait un truc sur un retour du CERN d'Alan, c'est ça ? Et comme c'est trop la classe monumentale, on est obligé de le faire. Yep. Bah, comme vous le savez, le CERN fête ses 60 ans. Et dans ce contexte, ils ont vraiment organisé des trucs de malade. Alors, je n'ai pas pu assister à tout, mais j'ai pu suivre deux événements importants et je vous jure que je m'en suis pris plein les mirettes. Alors, les deux événements en question étaient un TEDx, le TEDx at CERN, le mercredi 24 septembre dernier, sur le site du CERN, sur le site physique à côté du Globe à Mérin. Et la série de cafés scientifiques qui a eu lieu deux jours plus tard, le vendredi, toute l'après-midi, le vendredi 26 septembre, dans une FNAC genevoise, et puis à partir de 22h dans un théâtre voisin. Alors, parlons un petit peu du TEDx d'abord, c'était juste formidable. Quelqu'un m'avait demandé sur Facebook si c'était pas trop éprouvant d'enchaîner les conférences à ce rythme-là, c'était Pingouin, je crois, qui a dû se marier d'ailleurs, félicitations Pingouin. Félicitations, c'est vrai. Ouais. La réponse, c'est qu'effectivement, c'est assez crevant d'enchaîner les présentations. Pour vous donner une idée, l'event a démarré à 13h30 pour se terminer par un cocktail à 19h30. Et tout le long, il y avait des présentations avec deux pauses entre deux qui devaient durer 45 minutes chacune, mais qui ont été réduites à leur portion congrue, c'est-à-dire un peu moins d'une demi-heure à cause des retards. Et oui, il n'y a pas que Podcast Science qui démarre ces événements live en public en retard. Je précise d'ailleurs que nous, au CERN, on avait commencé à l'heure. Bref, non, mais c'est éprouvant parce que c'est intense, mais d'un autre côté, c'est interdit de pianoter en même temps sur son ordinateur. Alors, c'est un petit peu chiant à certains égards, mais c'est vrai que ça rend la concentration vachement plus aisée. Ouais, et puis c'est 20 minutes, quand tu dis c'est interdit de pianoter, ça va, quoi. Ouais, mais enfin, c'est 20 minutes, ça défile, quoi. C'est 20 minutes pendant une heure, enfin 20 minutes de talk à chaque fois, les uns après les autres directement, sans pause pendant une heure et demie, quoi. C'est un peu crevant, mais on va quand même pas se plaindre parce que c'était tellement époustouflant que c'était pas bien grave. On était ravis d'être crevés, on en avait plein de cerveau. Il y avait Brian Cox comme chef d'orchestre et les interventions se sont enchaînées à un rythme qui permettait juste pas de s'ennuyer. Alors Brian Cox, je sais pas si vous savez tout ce qu'il sait, c'est un physicien super connu en Grande-Bretagne. Il allie à son génie scientifique un génie de la communication. Ses émissions en prime time sur la BBC cartonnent en termes d'audience. Il a une allure de rockstar. En plus, d'ailleurs, il était synthé dans un groupe de pop qui a connu un certain succès au début des années 90, 90. Et puis il a ce talent pour réussir à faire passer les idées les plus complexes avec un langage hyper simple qui fait qu'au lieu de se sentir un peu minable et stupide et inculte après les explications, ben on se sent juste plus intelligent qu'avant. Je l'avoue, Brian Cox, c'est un peu une de mes idoles. Et quant aux intervenants, ils arrivaient presque tous à vendre du rêve. Je dis presque parce qu'il y en a quand même un ou deux. Il y avait un chercheur indien qui a fait une présentation chiante comme la pluie sur le thorium, le truc bien scolaire. On avait un peu peur de se faire interroger à la fin. Mais sinon, y avait rien que des gens inspirants, quoi. Je pense à Robert Crease, un philosophe des sciences américain, qui parlait des rapports de confiance entre les scientifiques et le grand public. Il y avait Marcia Barbosa, une chercheuse brésilienne, qui est venue sur la scène quasi en dansant, de l'ambiance, qui a parlé des 70 anomalies de l'eau, cette molécule dont on pensait qu'elle était familière. Et Nina Fedorov, qui a parlé de la crise alimentaire au niveau mondial et de ce que la science peut faire pour aider. Et puis tout ça, à chaque fois, t'as dit 20 minutes, je crois que c'était plutôt 12-13 minutes en fait. Et puis chez chacun des intervenants avec un vrai talent pour le storytelling. Nina Fedorov, par exemple, a introduit son talk en annonçant tout simplement « We are facing a problem. We expect 10 billion people for dinner very soon. » Ça pose l'ambiance. Il y avait Julia Greer, chercheuse à Caltech, qui a montré des trucs complètement incroyables en sciences des matériaux en utilisant des nanotechnologies. Et elle a pu montrer des céramiques qui se déforment pour absorber les chocs et qui reprennent leur forme initiale après coup. John Myton, je pense que le nom parlera aux matheux, c'est un mathématicien et écrivain canadien qui, entre deux obligations, a conseillé Matt Damon, Ben Affleck et Gus Van Sant pour le scénario de Good Will Hunting. Il était juste venu nous dire que les maths, c'est cool, si c'est enseigné de la bonne manière, et que tout le monde peut s'y intéresser, même les élèves les plus challengés. Une espèce de Robin millésimé. Ça, franchement, c'était un régal. Et bon, je ne vais pas tout vous raconter, ça prendrait des heures, mais juste vous dire que j'ai invité deux intervenants à venir sur le podcast. Les deux seuls intervenants francophones, il y avait Arthur Zhang, un jeune ingénieur camerounais qui a mis au point le Cardiopad, une tablette qui permet des diagnostics et qui sauve des vies dans les coins les plus reculés du monde, quand on a accès à rien. En plus, il n'avait juste pas un rond pour mener à bien son idée. Il s'est pourtant démerdé. Il nous a raconté toute l'histoire. C'est absolument incroyable. Bon, je l'ai invité par Twitter. Il n'a jamais répondu. Je pense que

Et puis, je lui ai parlé du podcast. Il était vraiment, on voyait qu'il était fatigué. Il avait un peu les paupières qui tombaient. Mais tout à coup, quand je lui ai parlé du podcast, de ce que c'est, à qui ça s'adresse, comment ça marche, toutes ces parties, j'ai vu son œil commencer à pétiller. Enfin, c'était un truc vraiment extraordinaire. Je lui ai demandé sur son accord de principe pour une invitation, pour venir nous parler. Et puis, il me l'a donné. Donc maintenant, il faut que je lui envoie un mail avec les précisions, des propositions de date, etc. Mais sur le principe, il est partant. Donc je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on reçoive Hubert Reeves sur le podcast d'ici pas longtemps. Écoute, ça c'est incroyable. Alors, ça c'est trop cool, hein. Bravo. Ok, bah écoute, je crois que tout le monde est bouche bée, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment exceptionnel, hein, ouais. Du coup, on enchaîne ? Bah, on va essayer d'enchaîner, quoi, après ça. Donc, retour sur les émissions précédentes. Julie, je te laisse la parole. Excuse-moi, grande prêtresse. Pas de problème. Donc, on va commencer par un retour sur... on va repartir, en fait, des épisodes qu'on a eus depuis le dernier freestyle. On va commencer avec l'épisode d'LJJ, qui est justement, je ne sais pas s'il est toujours dans la chatroom. Donc, sur la topologie... on a reçu plusieurs messages. Alors, on va pas pouvoir tous les diffuser, mais on a eu pas mal de questions ou d'observations sur les différents mondes, donc celui de Mario, d'astéroïdes. On a même un auditeur qui nous a parlé de l'île de Gulliver. Comment est-ce qu'on peut voir les déformations spatiales d'Inception en topologie? Des questions toutes très intéressantes, mais bon, on va pas détailler là ce soir. Et on a eu un message de Ragon ou Ragons, je ne sais pas comment on dit, qui résume un peu le... Un résumé succinct. Bonjour, voilà. Juste grand bravo pour ce numéro incroyable sur la topologie. Merci. Et je compte, il y a 4 points d'exclamation. C'est un épisode qui a bien plu, même si c'est vrai qu'il reste pas mal de questions sur les différentes topologies des mondes des jeux vidéo, mais bon. Et pour aller plus loin, je crois que j'en avais déjà parlé une fois, et surtout LJJ en avait parlé pas mal dans son dossier, le bouquin de Luminé, c'est comme ça, hein, son famille, je dis pas une connerie, Luminé. que j'ai lu depuis son dossier, est vraiment exceptionnel et très facile à lire, très accessible avec des dessins, donc ça peut être un bon complément pour ceux qui se posent plein de questions sur ce que racontait LJJ. C'est lequel, L'univers chiffonné. Ah voilà, parce qu'il y a en fait, on a aussi un petit auteur qui nous avait dit « J'ai un livre à conseiller, mais je n'ai pas fini d'écouter le dossier, donc je ne sais pas s'il l'a mentionné. » Et donc, c'est bien celui-là qui nous recommande aussi. Voilà, et vraiment très accessible. Hein. Surtout pour des sujets comme ça, c'est assez rare de lire des choses aussi accessibles. Et en plus, ça parle un peu de topologie cosmique, là, de cosmologie. Donc du coup, ça met un côté réel, je dis bien entre guillemets, parce qu'on parle de choses qui sont assez lointaines, mais au moins, ça a un côté palpable à tous ces délires topologiques. On te perd, Nico, on te perd. Ça me fait de la peine de t'entendre dire des choses pareilles. Non mais je dis pour le commun des mortels, moi après c'est autre chose. Ok, un rapide retour sur l'épisode sur CIGEO, donc c'était le dernier épisode de la saison 4, on avait reçu Guillaume et Annabelle qui nous ont parlé du stockage des déchets radioactifs. Donc au sujet de cette émission, il y a Jérôme qui nous a envoyé le message suivant. Irène ? Il nous dit plus qu'intéressant cet épisode, ça me donne envie de trouver le documentaire Into Eternity. J'en avais déjà entendu parler dans un épisode de La Planète Bleue avec le site internet www.laplanetebleue.com. Et après, il me manque la suite du lien, en fait. Ouais, on remettra le lien vers Into Eternity. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est disponible sur YouTube. Alan, tu confirmes? Oui, il est disponible sur YouTube. Sauf erreur, je ne suis pas convaincu que ce soit en français, mais en tout cas, il y a plusieurs liens. Ouais. Je crois qu'il est sous-titré. D'accord. À vérifier, mais je crois qu'il existe sous-titré. Puis on en profitera pour mettre le lien de Jérôme sur la planète bleue. Ensuite, on passe aux hormones, donc, qui ont fait l'ouverture de la saison, hormis l'épisode sur le CERN. Mais en fait, finalement, sur l'épisode du CERN, on n'a pas eu beaucoup de commentaires, parce que j'imagine que les gens qui nous envoient des commentaires étaient pour la plupart avec nous. Donc, Irène, sur les hormones, il y a Aude qui nous a envoyé un long message, toujours plein d'enthousiasme, comme tous ces messages. Et elle te demande si le stérilet hormonal a une durée de vie, s'il faut le changer et si c'est différent avec un stérilet en cuivre. Je ne me souviens plus bien si on a évoqué la question. Peut-être pas, je ne sais plus. Mais enfin, bref, la réponse, bref, c'est qu'un stérilet hormonal a effectivement une durée de vie et généralement, c'est dans les 5 ans. Donc, il faut le changer, oui, absolument. Et puis, parce que simplement parce qu'au bout de 5 ans, il n'y a plus d'hormones. Hein. Et puis, est-ce que c'est différent avec un stérilet en cuivre? Alors, oui, c'est le stérilet en cuivre, il a une durée de vie, on va dire, plus longue, d'environ 10 ans, en fait. Après, ça doit dépendre des stérilets et des modèles, j'imagine. Hein, mais, d'accord. Mais, donc, oui, ça se change aussi. Mais il faut le faire changer aussi, le stérilet en cuivre. Ah oui, oui, oui, oui, c'est ça. C'est environ tous les 10 ans, je crois. 10-12 ans, un stérilet en cuivre qui délivre du cuivre, oui, ça doit changer aussi. Oui, absolument. Ok. Bon, t'as eu pas mal de messages hein, sur tes dossiers. Je pense que tu répondras ou tu as ouais, déjà répondu. Oui, ouais, j'ai répondu aux principaux, je crois, mais j'irai voir. Hein, donc, mm-hmm. Bon. Ça marche. Nico, tu as eu un commentaire sur ton dossier sur les bitcoins. Ouais. Alors, ça dit « Oh yeah ». Apparemment, c'est le guest qui nous a dit ça. « Bitcoin résout aussi un problème informatique vieux comme le monde, le problème des généraux byzantins ». Et là aussi, il nous donne on a un site internet. Donc là, c'est HTTP nonchalantrepreneur. Ouais, bon, alors, je n'ai pas cité le problème des généraux byzantins, mais tout à fait, hein, c'est tout à fait ce que... Enfin, grossièrement, hein, le problème des généraux byzantins, c'est comment réussir à faire quand on a une assemblée de personnes, c'est dans le cas dans le Bitcoin, qui doit ensemble décider quelque chose et donner une information fiable, alors qu'on ne peut pas avoir confiance sur chacun des intervenants, quoi. Donc comment on arrive à faire de la fiabilité alors qu'on a des gens qui ne sont pas fiables? Et ce qu'on est obligé de supposer quand on est en peer-to-peer, parce qu'on n'a aucune raison de supposer que tout le monde est honnête. Et même, on a plutôt tendance à supposer que tout le monde va aller vers ses propres intérêts. Et donc, comment faire pour faire quand même quelque chose qui tienne la route? Et donc, ouais, je ne l'ai pas cité, mais c'est un bon commentaire et complément. Et c'est tout à fait vrai, voilà. Rien d'autre à dire. Tu n'as rien à ajouter sur ton dossier sur les bitcoins pour le moment? Ah bah non, j'attends les autres retours. Viens l'écouter, le lire, tout ça. Il a été publié hier, donc... Voilà, c'est ça. Il a été assez rapide pour commenter. Ouais, hyper rapide pour commenter. Non, bah, viens l'écouter, j'attends les autres retours. Et... Ouais, c'était vraiment un excellent dossier. Bah, c'est cool, écoute. Ok, on enchaîne avec les messages un peu plus généraux. Donc il y a Maxime qui nous signale une nouvelle revue. Salut, une petite news en passant, une nouvelle revue scientifique vient de sortir, ça s'appelle Home Lab, c'est fait par les éditions Diamond, j'imagine qu'il faut prononcer en anglais, qui publie aussi Linux Magazine, ça parle de science, de, alors D-I-Y, il va falloir que quelqu'un m'explique, je suis désolé, je vais encore m'en étais sûr. Je ne sais pas qui m'a mis ça à lire, mais évidemment c'était pour se foutre de ma gueule. C'est DIY, c'est Do It Yourself. C'est ça. Do It Yourself, voilà, il y a des experts à réaliser chez soi. Sinon vivement la rentrée, on s'ennuie un peu sans podcast science. À plus. Et à plus, ça va ou pas? À plus, ça va, ça se dit à plus et ça veut dire à plus. Ouais, parce que j'ai acheté le premier suite au message de Maxime et bah, j'ai encore pas eu le temps de lire l'intro. Donc bah, Maxime, si c'est bien, n'hésite pas à nous le faire savoir. Donc l'intro est très longue, et... c'est ce que tu nous dis. j'ai même le sommaire, je l'ai pas vu. Voilà, j'ai vu la couverture. On enchaîne avec Teresa qui nous encourage. Donc déjà le mail, l'objet du mail est « Je vous aime ». Bon après ça peut pas vraiment mal se passer. Teresa nous disait, ça remonte à un petit moment, hein, c'était pendant les vacances d'été. Elle disait « Ah bon, merci pour vos podcasts. » Enfin merci, il y a beaucoup de « i ». « Je vous ai connu il y a quelques jours et j'ai déjà écouté 5 podcasts entiers. Je suis brésilienne, dentiste et étudiante de français. Je vais passer le DALF C2 et j'ai choisi le domaine science. Donc vous m'aidez beaucoup à m'entraîner. Excusez-moi mes erreurs et bisous, gros bisous. » Bah en fait, il n'y avait pas d'erreur. Ton français est parfait, Teresa. Bravo, on valide. Et le Brésil, c'est nouveau, on n'avait pas eu encore. Oui. Ah, mais le problème, c'est que je pense qu'elle est en France, non? Non, elle est au Brésil. Non, je pense qu'elle est au Brésil et qu'elle étudie le français, hein, de ce qu'elle raconte. Absolument. Donc c'est bon, tu peux l'ajouter sur ta carte. Des... Ouais, sur ma map monde des pays de podcast science. On attend toujours un nouveau message de la personne de Corée du Nord qui nous a écrit, qui n'a plus donné signe de vie depuis. Je pense qu'elle est... Qu'est-ce qu'il y a, Alan? C'était probablement un acte de haute trahison que de nous écrire depuis la campagne. C'était trop dangereux. Et on peut enchaîner sur le pitch pour la semaine prochaine. Espace. Frontière de l'infini. vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, reculer l'impossible. La semaine prochaine, nous allons parler du seul objet de fabrication humaine à avoir quitté le système solaire, Voyager 1. Bon, pour pas faire de jaloux, on va aussi parler de sa petite sœur, Voyager 2, partie à quelques mois d'intervalle en 1977. Ces sondes ont visité à L2 4 planètes et plus de 45 de leurs satellites, et sont sans doute les missions d'exploration du système solaire les plus prolifiques jamais lancées. Bien assis sur Terre, mais les yeux tournés vers le ciel, nous retracerons leur voyage et leur plus grand succès. Ça commence à devenir une habitude vu que c'est la deuxième fois. Pouillot a fait une illustration exceptionnelle pour illustrer l'épisode Voyager que vous pouvez déjà voir sur la home avec le teaser. Et Pouillot a illustré aussi la réponse au quiz du mois qui sera mise en ligne tout à l'heure. Voilà, donc Pouillot travaille bien. Pouillot est efficace. Bon. On passe à la côte ? Ouais, alors c'est l'invité traditionnellement qui nous amène la côte. Cette fois, je me souviens lui avoir dit qu'on voulait une côte, mais j'ai oublié de lui dire qu'il fallait qu'elle soit. Ah oui, c'est pour ça qu'il a un bouquin là sous les bras, c'est ça. Bon, première vous page. Êtes sûr que je suis obligé de faire en moins de 200 pages parce que là, ça va pas le faire. Ouais, t'as droit à une page. Ok, bah en fait, on m'a demandé de trouver une citation inspirante. Alors, comme on parlait de fruits et légumes, et comme je viens de sortir d'un bouquin incroyable qui s'appelle une histoire du tout ou presque de Bill Bryson, justement. Et ce livre est génial, je vous conseille absolument. Et donc, Bill Bryson, dans ce livre, il nous dit que la moitié des fonctions chimiques qui s'effectuent dans une banane sont fondamentalement les mêmes que celles dont vous avez l'honneur d'être le siège. Alors j'ai trouvé ça vachement inspirant, mais je pouvais pas quand même vous laisser là. C'est juste pas possible. Et du coup, bah, j'en ai trouvé une autre. Voilà, donc ça me fait deux quotes. Pour le prix d'une, c'est toujours Bill Bryson, hein, c'est toujours le même bouquin, une histoire du tout ou presque. Et là, il nous dit « Nous avons une chance inouïe d'être là. Et par nous, j'entends toutes les choses vivantes. Le simple fait que la vie soit apparue sous une forme quelconque dans l'univers, qui est le nôtre, est un véritable exploit. En tant qu'homme, nous sommes doublement chanceux. Nous disposons non seulement du privilège de l'existence, mais aussi de cette capacité singulière à l'apprécier et même à la rendre meilleure. C'est un talent dont nous commençons à peine à prendre conscience. Nous avons atteint cette position éminente en un temps très court. Les hommes modernes n'occupent que 0,0001% de l'histoire de la Terre, à peine un souffle. Mais même l'existence aussi brève a exigé une succession infinie de heureux hasards. Nous n'en sommes qu'au tout début. L'astuce consiste à s'assurer que nous n'en verrons jamais la fin. Et à coup sûr, cela va exiger de nous bien autre chose que de simples coups de chance. Bah écoute, elle valait le coup. Ouais, je suis d'accord. Pour le coup, tu pouvais faire long. Tu peux répéter le nom de l'auteur et le titre du livre ? Ah, Bill Bryson, une histoire du tout, presque, qui est un livre d'histoire des sciences, en fait, qui raconte toute l'histoire de l'univers sous le filtre de l'histoire des sciences. Et qui, en fait, à la base, est en anglais, par contre. Qui, à la base, est en anglais, mais qui a une traduction française assez sympa. D'accord. Avec quelques erreurs, mais pas beaucoup. A Short History of Nearly Everything. Absolument. Je crois que c'est le meilleur livre d'histoire des sciences que j'ai jamais lu. Il est juste formidable. Pareil. Et du coup, je me suis tapé tout ce qu'a écrit Bill Bryson, qui en général écrit plutôt des récits de voyage, et puis il en profite pour mettre sa petite touche journalistico-anthropologique. Et c'est juste génial, quoi. Le mec est super drôle. Il y a un des livres où il raconte son enfance à Des Moines, aux États-Unis. Le livre commence par « Je suis né à Des Moines, il fallait bien que quelqu'un y naisse ». Et puis il raconte... il raconte comment, gamin, dans les années 50, il portait un slip par-dessus son pyjama, fasciné qu'il était des super-héros. Il raconte comment tout le monde écoute Hotel California en traversant les déserts américains. Enfin, c'est juste génialement drôle, quoi. Il a une verve, un style, c'est juste formidable. Je vous recommande vraiment sa lecture. Et puis, quand il s'attaque aux sciences, ben forcément, ça donne un monument, c'est une référence, c'est absolument génial. Grosse, grosse référence. Ouais, et je confirme que Des Moines, pour y être né, c'est assez déprimant. Parce que t'es né à Des Moines ? Non, heureusement que non, mais j'y suis déjà allé en fait, hein, oui. D'accord. Et c'est vrai que c'est paumé, quoi. Ok. Bah, ouais, non, c'est vraiment paumé, ouais. Un nouveau livre à rajouter dans la liste de lecture interminable, quoi. Tu veux pas faire ton plug quand même avant d'éviter les plugs, histoire que tu te sentes pas tout frustré ? Celui que le dictatube m'a interdit de faire, allez, fais ton plug. J'ai pas les liens, rien du tout. Donc, c'est une chaîne YouTube, il n'y a pas besoin d'un lien. Ouais, d'accord, ok. C'est pour une chaîne YouTube qui s'appelle Savant Singe, qu'on a découvert aujourd'hui. En fait, on s'est connecté via Twitter, tout ça, on a sympathisé. C'est très sympa. Le dernier épisode explique pourquoi on déteste notre voix quand elle est enregistrée. Et bah, c'est très sympa, ça dure vous, pas trop. Voilà, vous n'avez vraiment aucune excuse de ne pas aller écouter parce que c'est très très court, donc c'est très rapidement écouté, c'est sympa, on n'a pas le temps de s'embêter et pas le temps de ne pas aimer non plus en fait. Yep, puis je crois que tu les rencontres demain, puis on aura peut-être des c'est projets. C'est ça, je les rencontre demain, après-demain on fait notre premier projet, et puis non mais tout a été très vite quoi. En gros. C'est cassé, avant l'épisode 189 dont tu nous parleras des demain, non, attends, demain je ne les rencontre pas, faut pas dire ça comme ça, je vais dans leur studio d'enregistrement des vidéos. Yes. Si j'arrive suffisamment tôt. Bon, donc tu vas pas. Arrête. C'est pas trop. Bref, on conclut. Vous avez d'autres choses, des nombres de la semaine des... Peut-être que Sébastien a des plugs. Ah oui, Sébastien. Plug, des plugs. Quel est le prochain projet à aboutir? Oh là là, j'en ai... un petit plug pour Stéphanie. J'en ai une liste, mais le prochain projet à aboutir. Il y a des bonnes chances que ce soit là. Les chercheurs dans le RER, ouais, tout ça. Donc on avait des conscients, alors c'est des membres de conscience qui avaient décidé de mettre des chercheurs dans le RER pour la fête de la science. Alors je sais pas si ça s'est conclu tout ça, parce que je suis un peu t'as le truc absolument un peu décalé. Pas dangereux quoi. Tu, non tu non pas du les tout là. De la zone liquide ou des trucs comme ça dans le RER. Non pas vraiment, c'est juste des gens qui ont des t-shirts j'aime la science. Enfin je suis un scientifique, posez-moi des questions. Et donc d'accord. Ils viennent comme ça, ils abordent les gens, ils leur font pas peur et puis ils peuvent répondre à des questions que les gens se posent ou ne se posent pas d'ailleurs. Ok. Ça peut être sympa. Donc je sais pas si ça s'est fait, mais c'est un bon projet. Je vois. Ouais. Et du coup, on peut aller consulter de toute façon toute la liste des autres projets sur collectiveconscience.fr/projet. .fr et puis suivre donc ton blog, ton Twitter, le Twitter du direct du labo, le Tumblr. Oui. Et je crois que j'ai tout dit là. Mais oui, mais oui, près. Pour l'instant. Et voilà. D'autres marques, les autres. Alan, c'est qui la prochaine rockstar de la science que tu rencontres? Mais c'est vous. Oh. C'est vous, les rockstars oh. de la science. Je pense que là-dessus, on peut conclure. Ouais. Donc, comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés. Oh. Demandez-nous de courriers, de commentaires, de questions, je me demandais, de like ou pas like, de tweet, de retweet. Trouvez une propriété particulière au 189 parce qu'il n'y en a pas dans mon dictionnaire, de clin d'œil, de don, de cadeau. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, sur Facebook, sur Twitter, sur iTunes, sur SoundCloud, bref, sur à peu près tout l'internet mondial. N'oubliez pas d'envoyer son Minitel à Robin, il ne l'a toujours pas reçu. Et merci encore à toutes et à tous d'être fidèle au poste chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, avec Johan pour nous parler de Voyager. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. Plateforme tout le monde. Servir la science de notre joie. Je sais pas qui est en train de rajouter des lignes et des lignes dans le document, mais c'est insupportable pour suivre le déroulé. Je dis ça à Robin sans le viser. Hein. Pardon. Tu veux pas, tu veux pas aller faire ton dossier de ton côté plutôt qu'emmerder tout le monde? Ouais, je me demandais pensé, ce qui se passait. Bah, il pas s'est dit c'est le meilleur endroit pour faire son dossier quoi. Enfin bref, c'est pour ça que la page rame, que tout se bouge. J'arrête. Ça y est, c'est bon, j'ai compris. J'avais oublié que. Bref, y avait c'était une aparté. Désolé, la chatroom. On a un conducteur où Robin s'est dit je vais rédiger mon dossier qui n'est pas encore rédigé dans le conducteur. Avant de passer au plug, on va passer à une rubrique qui n'est pas une rubrique parce que à chaque fois on l'a fait dans les bonus, mais cette fois on va la faire un peu plus proprement. C'est le chiffre de la semaine, donc qui est 188, le numéro de l'émission. Et donc 188, c'est un nombre intouchable. C'est-à-dire qu'il n'est pas égal à la somme des diviseurs stricts d'un autre entier, quel qu'il soit. Voilà. On a souvent tendance à penser... Ah putain, attends, ouais. J'enregistre pas. Mais quel boulet. T'enregistres, toi? Bien sûr que j'enregistre. Alan, quitte à faire vraiment les débutants du podcast, tu broadcastes, hein? Comme je te l'ai demandé. Non, je broadcaste pas. Bon, mais il y a personne qui broadcaste. Hein. Attends, si tu broadcastes pas, il y a personne qui broadcaste. Hein. Oh, puis les gens se sont pas manifestés. Ben si, Pascal. Genre, ils disaient ça va mieux le broadcast. Bon, Tout va bien. Écoute, je peux le plancher, ouais. Ils sont patients, hein. J'avoue, ouais. Tu sais que je sais pas si t'as 5 secondes, Irène, mais je racontais à Alan parce que je voulais peut-être me faire livrer un truc. Et tu sais, moi je suis jamais aux États-Unis, donc j'imagine que tous les hôtels sont comme je vois dans les séries, c'est des motels dégueulasses avec à l'entrée un mec bizarre et avec des meurtriers dans toutes les chambres, tu sais. Mais bien sûr que c'est comme ça, évidemment. J'ai jamais vu un autre type d'hôtel aux États-Unis, en fait. T'as aucune série où il y a autre chose comme hôtel, en fait. C'est tout le temps des motels. Au milieu d'une route complètement obscure, il n'y a rien d'autre à l'horizon, tu sais. Et t'arrives la nuit, bien sûr. Ouais, c'est... Tu me diras, les Américains croient que toute la France, voire même toute l'Europe, c'est comme le bar d'Amélie Poulain, quoi. Donc, chacun son truc. D'ailleurs, je peux dire plateforme maintenant, c'est bon ? Ah, c'est sale. Alors, la danse des canards. Ah, ça me grattait depuis tout à l'heure, j'en pouvais plus. Et puis il fallait un tweet, voilà, ça a débordé. Merci Nadège. J'avais fini par oublier. Ah, c'est bien. Alors, plateforme. Pardon ? Ouais, je t'ai trouvé le lien avec les paroles de la danse des canards. Ah, volontiers. Alors, surtout que les... Bon, d'accord. Ok. Oh la vache. C'est la danse des canards qui en sortant de la main. Non, mais faut attendre, je suis pas prêt, là. Qui a fait ça, là ? Point. À présent, passez le bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain. Point. Allez, mettre en vie. On s'amuse comme des pifous. Maintenant, pliez les genoux. Mesdames et messieurs, une bière. Je pense qu'ils sont restés dans le chat. Ah oui, mais moi je suis resté. Ça y est, ils sont partis. Après tout ça, mais en fait, non, mais non. Mais pourquoi tant de haine ? J'avais prévu. Il y a Valentine qui promet que cet enregistrement sera repassé à ta soutenance. Bob l'éponge. Mais il n'y a pas de chanson, Bob l'éponge. Ah, Bob l'éponge, c'est une private joke. Mais si, je pourrais chanter Bob l'éponge, tiens. Vas-y. Si vous le demandez si gentiment. Faut mettre la musique, par contre, hein. Genre karaoké. Hein. Ça arrive. Hey, les enfants ! Oui, capitaine ! J'ai pas entendu ! Oui, capitaine ! Wow ! Qui vient de jouer dans la mer ? L'éponge carré ! Éponge carré, si vous avez un souhait, qu'il faut-il appeler Bob l'éponge carré, qui n'a pas peur des grands méchants poissons, Bob l'éponge carré. Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré. Oh, oh, oh, oh, oh. Bah alors, j'espère que vous l'avez enregistré celle-là parce que je la referai plus. Hein. Ce que je regrette de pas avoir enregistré, c'est la tête de Robin. Moi je l'ai. Vous êtes bien sur Podcast Science, il est 22h50.